Retro Nouveau. Salut tout le monde, bienvenue à Rétro Nouveau. Cette fois-ci, on fait ça de jour, Dominique, parce que là, toi, t'es en congé. Ouais, en vacances. Puis j'ai jamais autant travaillé toute ma vie. En fait, c'est plus un update là, que je fais là, pendant au cours de cette semaine. Tu sais, aller au garage, aller acheter une échelle, aller chez le dentiste, réparer la galerie, faire venir le plombier. Toutes des affaires de fun, mais que t'as jamais le temps de faire pendant que tu travailles. Là. En fait, en même temps, j'adore ça. Là, je vais pouvoir me mettre à jour puis je vais pas tout régler le job. Là. Donc, ouais, je suis en vacances, puis je joue le soir. Là, je peux jouer le soir plus tard. Là, tu sais, je me lève le matin, tu sais, c'est pas grave, je vais pas travailler. Ah, donc, ouais, bien content. Ouais, parce que moi, c'est ça. Moi aussi, je suis dans ma dernière semaine de congé parental. Puis c'est ça, c'est le fun parce que la dernière fois, dans le dernier épisode, vous avez sûrement remarqué qu'à la fin, on a fini ça. Là, moi, je disais. Bon, ben, c'est tout pour cet épisode. On était brûlés, là, tu sais. Il était vraiment super tard. Puis, on va essayer de pas trop faire ça souvent parce qu'on veut garder quand même une bonne dynamique pendant le show. Puis, on veut pas que ça soit trop long non plus. C'est plate. Quand un podcast est trop long, t'es rendu à la fin, puis tu commences à manquer d'intérêt. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, je voulais dire, je reviens à Monsieur Net. Donc, la semaine prochaine, je vais revenir le 27 octobre exactement. C'est un jeudi. Moi, ma journée à Monsieur Ness, pas mal tout le temps. Ah, bien, okay. Excuse-moi, j'écoute pas. Ça me prendrait un enregistreur. C'est pas de ma faute, j'ai pas d'enregistreur numérique, puis j'ai un fils, moi, qui se couche genre vers 8h30. Ah, moi aussi, moi, Monsieur Net, je l'enregistre parce que je peux pas l'écouter parce que ma fille, elle se couche ce moment-là. C'est impossible. Là. J'aimerais ça répondre au Twitter, répondre à la question, tout, parce que ça m'intéresse super gros, mais je l'écoute plus tard le soir, à tous les soirs. Mais bref, fait que c'est ça. Je sais pas si tu avais quelque chose, toi, à dire en intro, s'il y avait quelque chose de nouveau. Non. Moi, je voulais juste parler, entre autres, en passant, je voulais parler de l'émulation. Il y a du monde qui nous ont parlé de ça, qui nous ont demandé est-ce que vous faites des trucs sur l'émulation, vu que vous parlez de rétro pas mal, puis tout. Pis... Faire un débat là-dessus, une discussion. Ouais, c'est ça. On n'est pas émulation du tout. Exact. En fait, là, moi, j'ai juste eu l'émulateur Stella pour Atari. J'ai downloadé ça, écoute, il y a 5 ans, dans le vide, de même. Je cherchais même pas, je suis tombé là-dessus. Ça m'a permis de jouer à des jeux comme Texas Chainsaw Massacre, tu sais, des jeux pas achetables sur eBay ou pas trouvables. Fait que pour ça, c'était bien le fun, mais je suis zéro émulation, je suis collectionneur, tu sais. Moi, je veux la cassette dans mes mains, là. C'est sûr que je vais jamais aller vers ça. De toute façon, en plus, je joue jamais sur ordinateur à aucun jeu, là. Donc, non. Non, c'est ça. Même moi, il y a du monde que je rencontre qui sont tout le temps surpris parce qu'ils sont tout le temps, moi, j'ai modé ma Xbox, puis ils parlent de ces affaires-là, puis je suis tout le temps comme, fuck, non! Moi, je suis vraiment, j'étais un petit monsieur. By the book, by the book. Je suis vraiment by the book, puis cette industrie-là, l'industrie des jeux vidéo, j'ai des amis qui sont là-dedans, puis ils travaillent tellement fort pour faire le jeu, puis j'ai pas le goût de les voler, puis tu sais, c'est la même affaire pour l'industrie de la musique, je vole pas vraiment de musique non plus, mais ça, c'est un autre débat. Mais pour ce qui est des jeux vidéo, j'aime bien acheter mes affaires, autant usagées que neuves, parce que aussi j'aime ça avoir l'objet. Je trouve ça, je trouve ça important, je trouve ça le fun. Puis l'émulation, ça m'est déjà arrivé dans le temps que j'avais pas une scène, ça m'est déjà arrivé comme tout le monde d'aller chercher des runs de jeux de Nintendo et tout. Mais au final, je trouve ça plate parce que c'était un jeu après l'autre, parce que c'était juste un nom dans la gang. Ouais, c'est tout ça. Un nom point .rom, puis ça avait pas de saveur, tu sais, c'est comme tu peux jouer à Codename Viper puis à Mario Bros tout de suite après, puis... Moi, je trouve que ça enlève tout le charme, tu sais, mettons, un émulateur de NES, tu sais, puis t'as genre 200, 300 jeux de NES, t'es passes un après l'autre comme si c'était de la merde, tu sais, pas de la merde, mais tu sais, c'est un peu comme un iPod puis de la musique dedans, tu sais, comme tu skips, oh non, pas ça. C'est ce qui fait que tu plonges jamais dans un jeu, tu sais, puis c'est pas... Tu t'investis pas dans un jeu. Non, tu t'investis pas dans un jeu, c'est comme la cassette de 250 jeux, là, tu sais, bon, il y avait des jeux pourris là-dessus, là, mais tu sais, ça devient... Mais dès que tu mourrais, tu skippais un jeu, parce que t'avais tout le temps une alternative. C'est mal consommer les jeux que de jouer en émulation, je trouve, parce que ça leur enlève leur valeur, ouais. leur âme, là, finalement. Ouais, c'est comme, ils sont tout le temps rangés, ils sont tout ensemble, puis tu sais. Non, moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est ça. Fait qu'en tout cas, bref, c'est dit. Donc, si vous nous parlez d'émulation, de trucs comme ça, vous avez besoin de trucs, c'est la mauvaise porte. Vous avez cogné la mauvaise porte. Nous autres, on n'aura pas vraiment de réponse pour vous autres parce que, bon, on connaît pas ça puis on n'est pas des gens qui utilisent ça vraiment. Aujourd'hui, on aimerait ça. On essaie d'avoir une petite discussion. Dernièrement, il y a eu le trailer du film Act of Valor. Là, vous allez me dire, ben, c'est pas un film, c'est jeu vidéo, pantoute, ça n'a aucun rapport. Mais non, mais c'est parce que les gens qui ont vu le trailer, y compris moi, ont vraiment fait des comparaisons avec Call of Duty. T'sais, c'est vraiment le même genre de film. Y a une vue à la première personne aussi, des fois. Cool. C'est avec des US Navy SEALs. Donc, c'est un peu le même principe. Puis, en voyant ça, je me suis dit, tu sais, ça serait le fun de parler de films de jeux vidéo, tu sais. Entre autres, ce que je trouvais intéressant avec Act of Valor, c'est qu'ils ont l'air de s'inspirer des jeux vidéo ouais. pour faire un film, contrairement à faire un film sur un jeu vidéo. Chose faire que... le film du jeu vidéo. C'est ça, tu sais. Parce que ça a plus ou moins marché jusqu'à maintenant. Ouais, t'sais. Ouais, il y a eu bien des flops, mais cette façon de faire-là est bien intéressante, puis elle est beaucoup plus permissive aussi. Oui. Mais tu sais que le film Castlevania va s'en venir aussi éventuellement. Ouais. Je pense ça me pas, fait peur. Je pense pas qu'ils vont pouvoir faire, tu sais, OK, on fait Simon's Quest. Mm. Et ils pourront pas faire ça vraiment. T'sais, ils vont sûrement s'inspirer de. J'ai pas vu Prince of Persia. J'ai l'impression que c'est inspiré. Je l'ai pas vu, moi non plus. Aussi. Mais c'est bien de s'inspirer, par exemple. Mais quand ils essaient de faire le film pareil, c'est sûr que ça scrappe. Là. C'est comme faire le film d'un livre. T'sais. Si ça marche pas, ça non plus, ben, je veux dire que c'est bien correct. Là, mm-hmm. Mais tout le monde va toujours dire que les livres sont meilleurs. Donc tout le monde va toujours dire que les jeux sont meilleurs que les films aussi. On a une liste ici. Ouais, on va retourner dans le temps. Ouais, on va retourner dans le temps. Le premier vrai film d'un jeu vidéo. Dominique, c'était quoi? Ouais, ben d'après la liste, puis à ce que je me souviens, moi aussi, c'est le premier que j'ai vu de jeu. Moi, c'est le premier que j'ai vu. Ouais, c'est l'excellent Super Mario Brothers. Ah, wow! En 93. Tout le monde a vu ça, là, de toute façon, ce film-là. Puis... Ouais, tout le monde a vu ça. Hey, c'est non ben années 80. Hein. C'est très années 80, là. Puis en plus, je me souviens que moi, j'ai vu le trailer de ça. J'avais vu la bande-annonce au cinéma, puis... Mais j'étais accroché, on était intéressant, c'est super bon quand tu regardais le trailer. Mais, tu sais... Parce que c'était zéro dans un monde de champignons, tu sais, ça se passe dans la ville, des liens, des affaires, tu sais, c'est bien... Ben, c'était sombre comme c'était, film, c'était t'sais. Pas mal dark comme film. C'était vraiment dark, tu sais, puis j'étais pas totalement contre l'idée d'un vrai Mario pis d'un vrai Luigi dans la vraie vie pis du vrai Yoshi. Ben, c'était-tu aussi dans le temps des Turtles, ça? Parce que ouais, moi, ça me fait beaucoup penser à ça. T'sais, c'est pas dans un monde d'enfants tant que ça. Pis les Turtles non plus, ça ne l'était pas. T'sais. Mais Ninja Turtles, le premier, il me semble qu'il est en 93 aussi. Ça se peut. C'est pas en 93, c'est 94. C'est le même feeling, là, je trouve. Pis le premier Turtles, il est... Tu sais, quand Raphaël se fait sacrer une volée pis qu'il le retrouve, ils le mettent dans le bain pis il veille à côté. T'sais, c'est pas... Y a rien de drôle là-dedans, dark. Là. C'est pas mal dark, tu sais. Puis la chicane entre frères... Mais c'est assez dark aussi. Ils sont tristes, les Turtles, le premier, là. Ouais. Mais dans ce Mario-là aussi, là, c'est dark. Mais en même temps, c'est bien comique, là. Ils font le bordel là-dedans. Mais tu sais, en passant aussi là-dedans, tu sais, dans Mario Bros... C'était des bons acteurs en plus, tu sais. Dennis Hopper, c'est de la bombe, tu sais. Bob Hoskins aussi, très bon acteur. John Leguizamo, c'est un bon acteur avec le temps, tu sais. Fait je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, Calvert, tu sais. Ils ont probablement justement misé. Mais moi, je pense parce qu'ils ont essayé de faire un film peut-être trop dark, justement, puis trop réaliste. Ouais. Puis que tout le monde qui avait joué était pas prêt à ça. Peut-être qu'ils s'y essayaient de faire ça maintenant, ça fonctionnerait peut-être plus. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait des meilleurs outils pour le faire. Là. Oui. Je sais pas, mais c'est pas simple non plus là, non, de faire ça, pas. Mario. Là, la barre est haute en salle, là, parce que c'est le genre de jeu le vidéo le plus populaire du monde, tu sais, entier. Là, ça n'a pas d'air. Rien de meilleur que ça, tu sais. Puis t'étais habitué de le voir, tu sais, de gauche à droite, ton petit bonhomme, il n'y avait pas vraiment de personnalité. Les dessins animés, il était pas beau, tu sais, c'était tout croche, tout rond, tu sais, puis de voir aussi, moi, je me souviens que la première fois que j'avais été frustré, c'était Bowser. quand pas j'ai pas de buzzer là-dedans. Non. Ouais. C'est pis... Ben, ça aurait pas eu le rapport, tu sais. Non, comme, c'est sûr. Il y a pas de tortue, il y a rien de tout ça. Là. Le méchant, c'est un gars, tu sais. Puis je me rappelle même si. Ouais, mais quoi. C'est comme des je pense qu'ils appelaient les Lucky Two, les bébites, justement, qui ont une petite tête. Là, puis des gros. Ça, c'est ça. C'est ça. Ben, ça, c'était des petits Goombas. Puis ils baissaient la tête, puis c'était des petits Goombas, puis il y avait une petite tête, tu sais. Mais je sais pas, moi, j'ai l'impression, là, l'autre fois, je niaisais avec un chum, puis j'ai dit. Dans le fond, le Mario Bros, là, c'est le Dark Knight des années 80. c'était comme... parce que j'ai l'impression que ce film-là, c'était peut-être que le réalisateur était un peu trop ambitieux, voulait faire de quoi de dark, puis tu sais, à la limite, peut-être s'inspirer un peu de Blade Runner, puis des films comme ça, pour faire un film qui est supposé être fait pour les jeunes, mais les jeunes, ils n'ont rien vu de ça, tu sais, je pense que tout le monde s'attendait à avoir de quoi de cute, puis que la... Ouais, hein, ils sont allés dans un... Comme tu dis, moi, le feeling de ça, ça fait penser à Blade Runner, Nemesis, le Destructeur, oui. Avec Sylvester Stallone, tu sais, quand ils sont dans les égouts, puis il y a les gadgets, c'est, la façon c'est que très les dark, sont faits. C'est, on dirait que c'était une mode d'être dans ce temps-là. Fait qu'ils sont allés vers ça. Mais c'est très audacieux, faut le saluer quand même, mais quand le film est plat. Il est pourri, le film. C'est plat à mort. Mais quand même, si vous voulez avoir du fun, moi, je l'ai revu à TV, là. Ouais. C'est vraiment le fun d'écouter en français. En français, ouais. Parce que c'est épouvantable. C'est vraiment mauvais. Puis en plus, tu le vois, là, que du budget dans ce film-là, là, il y en a eu en sacrifice, là. Il est vraiment loadé, là. Mm. Fait que... non, ça... C'était pas une très bonne idée. Puis, fun fact, la sorcière dans True Blood, c'était la sorcière dans Mario Bros. Fait que, bref, si vous écoutez True Blood, vous irez voir ça. Quand t'es né pour jouer une sorcière, là, tu sais. Ouais, t'es né pour jouer une sorcière. Là, la face d'une sorcière est faite. Fait que, bref, ça, c'était pour Mario Bros, mais on va passer à une autre marde. Un autre marde. Ça, c'est très, très marde, mais je sais pas pourquoi, quand j'étais jeune, je l'ai écouté, j'ai pas pu m'en... Je l'ai écouté jusqu'au bout, là. J'ai trouvé ça... J'ai pas aimé ça, tu sais, mais en tout cas, ça m'a captivé assez pour que je l'écoute au complet, puis on parle bien de Double Dragon ici, le film. Mais il y avait des, tu sais, il y avait des ninjas, il y avait des arts martiaux. Ninjas, arts martiaux, moi je suis là déjà. Là, quand j'étais jeune, un de mes meilleurs films, c'était Jim Cata. C'était un film, ça. Ben c'est ça, il y a beaucoup de monde qui connaissent pas Jim Cata, mais louer ça, c'est Ninja Blanc contre tous les ninjas noirs. Ah ouais, c'est quelque chose. Là, c'est un gymnaste qui mélange la gym avec les katas. C'est pour ça s'appelle Jim Cata. Très, très, très, très fort. Mais revenons à Double Dragon. Toi, tu dis que t'avais bien aimé ça. Ben, wow, là. J'ai pas aimé ça tant que ça. Mais ce que j'aimais, par exemple, c'est que, je sais pas, tu sais, ils sortent un peu de nowhere, les gars, là-dedans. C'est pas... Ouais. Ils vont pas délivrer à la fille, là. Tu sais, il y a toute une affaire de talismans, là, d'objets magiques, là. Puis ils sortent de nulle part. Puis il y a un peu de pit fighting au début. Ouais. Du pit fighting, moi, je suis bien vendu d'habitude, là. Quand Hung Back, j'ai trippé. Tu sais, Bloodsport, j'ai trippé. Ouais. Et toi, le jeu Pit Fighter. Ah ouais. C'est trippé, mon gars! Hey, ça, c'était... Wow. Mais c'est ça. Donc, tu sais, il y a du pit fighting, puis là, OK, ils deviennent bons, puis tout, mais c'est... En fait, là, c'est cheesy, là. C'est cheesy. Les combats sont pas si hot. Puis, tu sais, comme les sauts, là, qui ont le bleu, le bleu, puis le rouge. Puis Lily, puis Jimmy Lee. Ils l'ont juste à la fin, tu sais, quand ils utilisent l'objet magique, là, je sais pas trop. Puis là, c'est comme si ça leur donnait un grand pouvoir, là. Puis là, ils ont le petit saut, là. Mais le saut est là, tu sais. À Double Dragon, tu sais, ils ont des vestes de jeans. Mais c'est des street brawlers, là, tu sais. Là, eux autres, c'est plus comme des kimonos, des trucs comme ça. Ouais, mais faites en genre de. On dirait que c'est en mousse raide, tu sais, c'est carton au max, là, tu sais. Ouais, puis là-dedans, un autre fun fact, c'est le T-1000, le gars qui faisait le méchant dans le film. Ah ouais, c'est ça? Oui, c'était Monsieur Terminator 2. Wow. Fait que... Mais il y a un Abobo là-dedans. Je sais pas si vous voulez, dans Double Dragon 1, Abobo, c'était le boss du premier tableau, puis après, il y en a plein d'autres. Ouais. Abobo, puis il les a dans toutes. Ben, il y a la scène d'Abobo. Il est vraiment laid, là. Il me semble que c'est un genre de freak, là, tu sais, qui garde un peu en laisse, là, puis à un moment donné, il lance. Il y avait la tête tout croche, il me semble. Oh, il y avait la tête comme un Bruno, là. Ben, il est même dans le jeu aussi, mais dans le jeu, c'est... ça va, tu sais, c'est un gros bonhomme roulette, mais là-dedans, il est tout gonflé, mon gars. Il est tout en coussin, là. Ah, Colin, je me souvenais pas, ben oui. Hey, regarde ça, c'est vrai, mon gars. Hey, que c'est, ça fait fake, là. Ben. Parce que c'est supposé être des muscles, mais là, on dirait que ça y sort. Des testicules. On dirait que c'est plein de testicules, tu sais. Non, de testicules. Waouh. C'était quoi ça? Ah, une scène classique. Ah, les deux gars se crient d'en face parce qu'ils ont peur. Oh boy! Moi, je pense que sur le blog, là, pour l'épisode, on mettra pas le trailer, on va mettre ça à la place. C'est trop épouvantable. Quand il rencontre à Bobo, là, c'est un délice à quel point c'est mauvais, là. Mais ça me donne vraiment le goût de l'écouter. Mais tu sais, il est tellement gros, ça serait tellement facile de se sauver, là. Ah, Colin! Ouais, puis il meurt d'une façon lamentable. Ah, yeah, ça, ouais, c'était assez ridicule. Non, donc, ce film-là, c'est la vraie merde. Là. C'est totalement cheesy. Là. C'est pourri, pourri. Tellement que ça en est drôle. Tu sais, fait... Il n'y a rien à faire avec Double Dragon. C'était pas bon. Bon, ben, Colin, on va passer au troisième film qui est sorti. Ah, ça, là, ça m'a déçu, mon gars. Ça, je pense là, c'était une plus grosse déception. J'étais un grand, grand, grand fan de Street Fighter 2. Ouais. Tu sais, je l'ai acheté au Super Nintendo quand c'est sorti, tout de suite, je l'ai eu à Noël. Puis, ça a été mon introduction dans le jeu de fighting. Écoute, j'adorais ça. Là. Ben oui. Puis, on parle bel et bien de Street Fighter en passant. Ça, hein. Je venais de le dire, Bruno. T'as dit que t'avais eu Street Fighter 2. Ah, ben, je me suis dit que le monde allait savoir que je parlais de Street Fighter. Non, non, c'est ça, audio, c'est... hein. Il voit, il y a rien. Ouais, fait, y a rien, je me suis dit, ah, on va les perdre. Non, le Street Fighter, the movie, avec ouais. Jean-Claude. Ben oui. Ah, attends, je vais tout de suite dire mon fun fact, moi, avec. Je sais pas si tu le savais, là. C'est, comment il s'appelle? Le méchant, Garcia. Là-dedans. C'est quoi, Joe c'est... Garcia? C'est quoi c'est son Will, nom? C'est quoi son nom? C'est lui qui fait le père dans The Addams dans Family. The Addams Family. Ouais. Mais oui, exactement. Je le cherche là présentement. Il était dans Addams Family. Puis c'était le principal. Puis il est décédé, lui. C'est Rui Garcia, je pense, son nom. J'ai pas de Garcia là-dedans, me semble. Il me semble que c'est Garcia. Aïe, je suis vraiment dans le champ. Roll Julia. Ah ouais, c'est ça. Puis Roll Julia, il est décédé. En 94. Ouais. Ça fait quand même un petit bout. Il avait vraiment une face de freak. Puis... Mais il faisait Bison. Il avait quand même la face intéressante de Bison. Quoique Bison, il y a des petits. Des petits yeux. Mais... Ouais, mais je trouve qu'il a fait un. Moi, là, regarde, on va chialer en masse sur Street Fighter, là. Mais ils ont quand même réussi, je trouve, pour une fois, les personnages. Ah ouais? Les personnages, je trouve que... Pas pour ce qui est du acting et tout. Non, Blanca, il était dégueulasse. Mais tu sais, Bison, moi, je trouve qu'il était quand même réussi. Là, je veux dire, il a fait un bon job. Guile, j'aurais mal vu qu'il ait pris un gars qui ait mis les cheveux en V sur la tête. Tu sais, Chun-Li était correct. Ouais. Honda, il était bien correct aussi. Mm. Zangief là-dedans. Non? Zangief, il était là-dedans puis il était cool aussi. Tu sais, Ken, il était cool. Ryu ben, était cool. C'est... Le problème de ce film-là qui s'appelle Street Fighter, Camille, elle est aussi, ouais. Ouais, Camille était très réussie. T'sais, mais c'est pas dire que c'est pas des personnages qui sont durs à faire visuellement, là, tu sais. Mais le problème de ce film-là, tu sais, c'est Street Fighter, puis c'est un jeu de bataille. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bataille dans le film. Ça se bat pas, tu sais. C'est un film militaire, genre. Ouais. Là, c'est juste l'armée. Puis, ouais, à un moment donné, il y a une petite bataille par-ci. Hey, je me rappelle, là, le pire, c'est qu'à un moment donné, je pense que Ken puis Ryu se ramassent justement dans un pit fighting. Ouais. Là, qui c'est qui arrive, man? C'est Vega, tu sais. Ils sont comme tous prisonniers. Puis Vega se pointe dans le ring, là, avec son... clone malade, tu sais. Puis là, comme ça va saigner, là, tu sais, ça va se battre, mon ami. Puis là, attention, et là, il y a un Jean-Claude Van Damme qui arrive avec son gros tank pour mettre un gros trou dans le mur. Non, il n'y aura pas de bataille ici. C'est terminé. Venez-en, tout le monde, on vous délivre. C'est comme, on ne voit pas Vega se battre, tu sais. On ne voit pas Ken. Puis, j'étais déçu, mon gars. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça, tu sais? Peut-être qu'ils l'ont tourné là. C'est pas une mauvaise décision. Là, c'est peut-être à cause que les deux gars qui faisaient Ken et Ryu n'avaient aucune idée de comment se battre. Il n'y avait plus de double, je sais pas. Ah, ben, tu sais. Hey, c'est épouvantable. Il n'y avait pas de bataille dans ce jeu. C'était pas bon. C'était vraiment pas bon. C'était ennuyant. Ouais. C'était long. C'était n'importe quoi aussi. Oh, oui, totalement. Totalement, tu sais, l'historique. Moi, j'ai connu l'histoire de Ken Masters, c'était comme par après, en écoutant les mangas, tu sais, Ken Masters, ouais, c'est le fils d'un méchant millionnaire, genre le plus millionnaire de la planète, là, tu sais, ça fait qu'il y a bien des affaires, le fun à faire avec ça, mais là-dedans, je me rappelle même pas qu'est-ce qu'il fait, là, rien, il sort de nulle part, tu sais, comme les... Ça tourne autour de guerre, en fait, ouais. Jean-Claude Van Damme, c'est bien normal, c'est la grosse vedette, tu sais, mais c'est pas intéressant... Parce que justement, c'est militaire, c'est des c'est surtout le fait que c'était pas, c'est pas lui la vedette de Street Fighter. Dans le jeu, dans le jeu, c'est pas lui. C'est pas lui. Fait que, tu sais, c'était bizarre de voir lui, tu sais. Puis, soit dit en passant, on n'en parlera probablement pas parce que tout le monde l'a oublié, mais il y a eu un film aussi, un spin-off sur Chun-Li. Oui, je l'ai vu, la liste, mais je l'ai pas, vu. Ah, t'as vu ça? Je l'ai vu, puis... écoutez-en même pas deux minutes, là, c'est vraiment, vraiment pénible. Ben, j'ai écouté vos fast-forward un peu, là, j'avoue. Ouais. Là, parce que moi, quand ça passe sur Movie Network à TV, je les enregistre, mais je les écoute pas vraiment parce que je sais que c'est pas bien bon. C'est comme le film de... pas le film de Tekken. Ouais, le film de Tekken. Ouais, le film Tekken aussi. J'ai vu ça l'autre soir, mais oh boy, j'ai pas envie de louer ça, mais pas non, tôt, vraiment ça, pas. Là. Je sais que ça va être mauvais. Là. C'est pas des bons films. Non. Vraiment, là. Puis on va passer à ce qui est probablement un de mes meilleurs films, Colin, basé sur un jeu vidéo, parce que je l'ai vu au cinéma. Ouais. Je ne mentirai pas deux fois. quand j'étais jeune, puis c'est sorti, là, c'était... C'était comme un wet dream. Ah ouais? Écoute, c'était... Ben moi avec, j'avais hâte de voir ça. C'était magnifique. Moi, quand je l'ai vu, j'étais content parce que... Attends, devrais-tu le nommer? On l'a pas nommé. On l'a pas nommé encore. On va-tu le nommer? Oh, continue. C'est rien qu'à deviner. On va faire ça. Moi, je capotais, man. J'attendais ça, puis un méchant en bout, puis toi avec. Ouais. Mais en même temps, c'était pas mauvais, tu sais, c'était bon. Mais parce que comparé à toute la merde qu'il y avait, c'était le meilleur de la merde. On avait bien préparé les hors-d'oeuvre, mais c'était dégueulasse. Le plat principal. Ben, le plat principal, c'était quand même juste du ragoût de boulette, mais tu sais, qu'on avait mangé ben de la chenoute avant, tu sais, on était bien contents. C'est pas écœurant, mais les batailles étaient vraiment cool. Cool. Ouais, et ouais. Enfin, les acteurs, c'était du monde qui savait se battre. Ouais. Les personnages étaient bien faits. Les sets étaient écœurants. Je veux dire, c'était toutes des scènes qu'on avait vues dans le jeu. Ouais. Et justement, tu sais, que dire de... Je sais pas si... Ah ouais, mais la musique. Hey, ça. Hey, ça, c'était tout là. C'est malade. C'était débile. Mais ça, c'est le trailer, il y a l'action. Ouais. Tu sais, c'était comme « You seen shit, we got the shit ». C'était vraiment, là, c'était la... T'avais tellement eu l'image avant. Shang Tsung était excellent. Shang Tsung était écœurant. Puis dans le trailer, quand tu vois justement tous les personnages un après l'autre, ça, c'est un trailer. Avec Scorpion dans le bois, entre les arbres, pitch son spear, tu sais. Ah ouais, hey, j'avais pas vu Liu Kang faire son petit mot d'enfant. Oui, ben, hey, j'en ai quasiment des frissons avant de ça présentement. C'était malade! C'est pas ça, Mortal Kombat a tout le temps eu énormément de potentiel. Ouais, ouais. Je suis pas surpris que maintenant il y a enfin un réalisateur intelligent, brillant. Ah ouais, c'est-tu bon ça un peu, Mortal Kombat Legacy? Ah, ouais. La web série était écœurante, c'était vraiment bonne, puis là, enfin, ça va vraiment devenir un film. T'sais. Ça va le faire? C'est, ben, ils vont faire un film. Je sais pas si aux dernières nouvelles c'était un film ou une télésérie, okay. Mais il y a quelque chose qui se fait, là. Ça va sortir de l'ordinateur cette affaire, okay. Là. Ça va devenir d'autres choses, mais tu sais, c'était puissant, les personnages sont vraiment cool, tu mets juste du monde qui se tape sur la gueule. Ouais, mais qu'ils le font avec style, tu sais, vraiment. Ben, j'ai regardé justement le Mortal Kombat Legacy, où est-ce que Cyrax, Sector, Cyrax, les robots, là, puis Smoke aussi, je pense, puis ils se battent ensemble. Man, ça fait ça se rentre dedans, là, bang, bang. Puis c'est dark, là, tellement. Étrangement, un des pires que j'ai trouvé là-dedans, c'était Sub-Zero, puis Scorpion. T'as pas aimé l'histoire? Non. J'ai trouvé lettre, Scorpion, j'ai trouvé lettre. Ah ouais? Je sais pas. Mais moi, faut dire, Raiden, j'aimais ça, tu sais. Ouais. C'était comme bien. C'était carrément autre chose. Il y a plein de fans qui ont détesté. Ah, moi, j'ai aimé qu'il n'y a pas beaucoup de combats dedans. J'ai aimé que ça se passe ailleurs. Ouais. Mais Johnny Cage, moi, je vais le dire, là, j'aime Johnny Cage. Ouais. Ben, c'est rare que j'aime les dudes là, qui ont l'attitude, mais celui-là, je le trouve bien comme... C'est un douchebag, Johnny Cage. Je le trouve bien hot, man. Je le trouve bien cool. Je sais pas pourquoi, je les haïs, ces gens-là. Donc, celui-là, mais je le trouve nice. Puis là-dedans, dans le trailer, le premier... Ben, c'est le fun comment ils l'ont joué aussi. Ouais, c'est ça. Ils l'ont bien amené. Là, ouais. c'est juste une, c'est un Jean-Claude Van Damme, tu sais, Johnny ouais. Cage, mais je sais pas, j'aime qu'il soit quand même une brute, là, pareil, ouais. là, parce qu'il est pas supposé, mais il en a une pareille, ouais. c'est ça, ce qui en fait un peu un underdog, là, il a l'air d'une mascotte, mais non, il triste le body pareil, fait que ça, j'ai bien aimé, là. Non, c'est vraiment cool, puis c'est ça, pour revenir au film de 95, il garde, on a, tout le monde jouait au jeu dans ce temps-là, il est bien sorti au bon moment, ouais, bon, ça, à l'arcade, hein. Mortal Kombat 2, c'était hyper populaire, tout le monde jouait à ça, tout le monde trippait, tout le monde savait qu'est-ce que ça voulait dire, que come over here, pis ces affaires-là, tu sais, get over here. C'est malade, là, ce film-là. Puis moi, je l'ai revu, Mortal Kombat 1, puis même si c'est cheesy, c'est dans les meilleures scènes de combat que j'ai vues dans les films. C'était vraiment bien fait, puis il y avait les moves spéciaux pour tous les personnages, tu sais. Fait que, non. Ben, il y a des scènes qui sont un peu poches. Il y en a, la bagarre de Kano pis Sonya, là. Ouais, ça, c'est pas terrible. Elle fait son move entre les jambes, ouais. Elle étouffe, pis là. Mais Kano aussi, il est, tu sais, les costumes sont lent. Pas beaux, là. Ouais. Kano, il est lent, tu sais, pis il est laid un peu. Pis, c'est ça, j'ai trouvé qu'il y a des costumes qui sont vraiment laids là-dedans, là. Sonya, là, elle est comme pas shapée, là. Elle est pas. Mais moi, c'était Goro que j'étais un peu déçu. Ouais. Pis d'ailleurs, dans le trailer, il devait s'y attendre que le monde soit un peu déçu parce que tu vois juste sa silhouette. Ouais, c'est ça, c'est tu le vois pas, tu sais, fait que... Ouais. Mais, garde... Ben, le combat de Johnny Cage versus Scorpion était quand même assez hot, là. Ouais. Ouais, j'avais bien trippé là-dessus, là. Raiden, il se bat pas, par exemple. Non, Raiden, il se bat pas. Christophe Lambert, le grand acteur, le Highlander, il se bat pas, man. J'aurais vraiment aimé ça qu'il se batte, là, tu sais. Non, moi avec. Mais, tu sais, c'était le fun parce que ça... La plupart du temps, ce qui arrivait dans ce film-là, c'est que, tu sais, t'avais l'histoire qui se passait... Puis là, un moment donné, ça arrêtait, puis c'était une scène de combat. Ouais, c'était comme ça, des c'était vieux films. Ah ouais, ouais, ouais. C'était parfait. C'était bien monté pour ça. Ouais. Ah ouais. Mm. Mais non, regarde, moi, j'en démarre pas. Là. Mortal Kombat, c'est cheesy au bout, mais ça reste un de mes meilleurs films de jeux vidéo. Là. C'est... Puis je l'ai revu, puis j'étais encore, ben ouais, ça marche, là. Fait qu'en tout cas, on va passer à un autre. Après ça, il y a eu Mortal Kombat Annihilation, qui est venu j'ai détruire. J'ai pas vu ça, moi. Ben, il est vraiment venu détruire tout ce que Mortal Kombat avait réussi. Parce qu'il y a des personnages qui sont restés, qui sont à peu près les mêmes, mais c'est, tu sais, ils ont ajouté là-dedans les... la fille Kitana... Il l'a ajouté, sauf que Liu Kang, c'est le même. Ah oui, ben non, ouais. Je l'ai vu, moi. Je l'ai vu, ça. C'est impossible, t'as pas vu ça comment, tu sais, c'est un classique, mais tu sais, Johnny Cage est resté le même, mais je pense que c'est Sonya qui a changé. Shao Kahn, il est là. Là, c'est plus le même, c'est le père de Dexter qui est rendu Raiden, parce que Christophe Lambert disait, je me pue une scène là-dedans, moi, je veux plus rien savoir de cette série-là. Peut-être qu'il a aussi qu'il a vu le script ou qu'il a vu ce qu'il voulait faire avec le film, puis il a dit non, je veux pas faire partie de ça. Mais c'était intéressant, mais c'était pas bon parce qu'il y avait pas de scène d'action, pratiquement pas. C'était vraiment lent comme film, puis ça avait l'air d'un film pour la télé, là. Ça avait pas l'air d'un film pour le cinéma. Fait que, sauf que, aussi, le gros méchant Shao Kahn, c'était le gars avec les gros couteaux dans Cobra. Dans le film Cobra avec Sylvester Stallone, le méchant. Mais c'était lui, puis je trouve brutal ce gars-là. Il y avait Jax aussi qui était là. Nightwolf est là. Ouais. Je l'avais oublié, celui-là. Puis Cyrax aussi. Il y a Striker là-dedans, le gars le plus gainé. Là, c'est Cyrax. Ouais, Cyrax. Ah, mais encore une fois, ça a l'air. Check ça! C'était qui, lui? Puis en plus, ben, Raiden, il se fait faire une coupe. Ah, il ouais. se bleacher les cheveux. Ah, je l'ai pas vu, ce film-là, finalement. Là. J'en non. regarde ça, là, puis non. Moi, je l'ai vu, puis faudrait-tu le voir pareil? Oh, juste par curiosité, parce que c'est de la bouette, mais ça continue dans la même lignée, fait que les combats sont quand même intéressants, mais c'est pas par jeu, là. Ouais. Le premier était pas mal meilleur. Et j'en aurais pas fait un deuxième, vraiment pas. Fait que ça, c'était pour Annihilation, qui est comme... Mais, il y a eu Wing Commander après ça, mais moi, Wing Commander, j'ai toujours trouvé ça. J'ai jamais joué. Ben, j'ai pas c'était pas un jeu de PC, ça, de simulateur spatial. Exact. Un peu, ben, pas simulateur, mais ouais, non, je connais pas. Et j'ai pas joué. Il y a du monde qui l'a... Il y a sûrement du monde, certains d'entre vous qui l'ont vu puis qui vont nous en parler. Mais nous autres, surtout, je regarde la pochette du film, je ne veux même pas regarder le trailer, ça m'intéresse tellement pas. Là. On ne passera peut-être pas tous les trailers. Non, vraiment pas. Pas sorti d'ici. Exact. Il y a eu Lara Croft, Tomb Raider, avec Angelina Jolie. Ouais. J'ai pas vu non plus. Je l'ai vu au cinéma. Ah ouais? Parce que moi, dans ce temps-là, j'étais méga fan d'Angelina Jolie. Puis moi, je suis pas un Star Wars kid, je suis un Indiana Jones kid. Okay. Je tripe sur les films d'Indiana Jones. Puis les films de Star Wars, j'aime ça, je les respecte, mais c'était pas... Mon enfance, c'est plus Indiana Jones. Puis Tomb Raider, ils ont réussi ça. C'est, okay. C'est pratiquement comme un Indiana Jones avec une fille. Ouais. Puis faut pas oublier, dedans, je pense que c'était dans celui-là, c'était Daniel Craig qui était là, Monsieur James Bond. Vraiment bon acteur. Ouais, fait, ouais, c'est clair. Il y avait vraiment... c'était un bon film. Sérieusement, c'est un bon film d'action. Si vous l'avez pas vu, puis vous paniquez parce que c'est un film sur les jeux vidéo, puis vous voulez pas toucher à ça, au contraire, c'était quand même un bon film intéressant. C'est sûr que si... les fins critiques vont dire que c'est un film de merde, mais si vous voulez un bon film d'action, c'était un bon film d'action. Après ça, il y a eu Final Fantasy, The Spirits Within. Ça, je suis pas mal sûr que t'es allé voir ça au cinéma, Bruno. J'ai voir au cinéma. T'es sérieux? Oui. T'as eu ça, les RPG. T'as jamais joué à Final Fantasy. Non, j'ai eu les RPG, sauf que The Spirits Within, l'affaire, c'est que c'est une affaire bien spéciale. J'ai travaillé avec un gars qui a travaillé sur le film. OK. Puis c'est ça, le film m'intéressait déjà au départ parce que c'était un peu le premier film qu'on voyait au cinéma fait en 3D, ouais. Aussi poussé que ça. Mm. Fait que je me disais, ben, que ce soit Final Fantasy ou non, je m'en allais le voir puis on verra bien. Puis je suis même pas un fan de Final Fantasy puis j'ai trouvé ça nul, là. C'était vraiment plate. Ah, c'est plate. Ben, moi, je jouais à Final Fantasy dans ce temps-là, j'étais avec mes potions, mes épées, man, puis mes bateaux volants, tu sais. Puis là-dedans, écoute, ça se passait dans l'espace, le futur. Oui. J'ai comme, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Puis l'esprit en espèce de forme fantôme. Ben, moi, je pense que je l'ai écouté genre 20 minutes ou quelque chose de même, là, okay. De l'emprunter, puis je laissais tomber ça. J'étais allé jouer à Final Fantasy pour vrai à la place, là. Sans joke, ça m'a vraiment déçu. Là. Pourquoi t'appelles ça Final Fantasy tant que ça? C'est sûr que... Je me souviens là, que quand... Parce qu'il y avait eu des tout le monde s'était indigné devant ce film-là. Puis il y avait le réalisateur qui était allé au BAT puis qui s'est dit, ben je vais aller m'expliquer un peu. Puis il avait dit que pourquoi ça s'appelait Final Fantasy, c'est que Final Fantasy, c'est un univers qui est tellement large. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils changent pratiquement tous les jeux. Qui disaient qu'ils pouvaient essayer d'autres choses puis voir où est-ce que ça pourrait s'en aller. Puis qu'ils ont gardé certains petits détails puis des noms, des lieux qui ont rapport à Final Fantasy. Mais comme je suis pas un fan, j'ai jamais remarqué ces affaires-là. J'ai pas vu de chocobo nulle part. Et comme ça m'a écœuré après une demi-heure, ben j'ai pas vu ce détail-là non plus moi-même. C'était bien fait. Mais tu sais. C'était bien fait. Oui, c'était bien mais fait. C'était mais vraiment plat. Là, je trouve que c'était un peu le contraire. C'était même pas tant s'inspirer ou raconter l'histoire de. Tu sais, ça aurait été lettre qu'il fasse Final Fantasy, mettons, la vraie histoire de Final Fantasy 2, mettons, tu sais, ça aurait pas marché. Mais là, c'était même pas. C'était le jour et la nuit. Ouais. Donc, mais tu sais, tant qu'à faire un film. J'aurais pu appeler ça genre Space. Cristal, ouais. Ça aurait été un très bon film pareil. Ouais. Peut-être même meilleur que s'il l'avait appelé Final Fantasy. Mais hein. En tout cas. Mais tu sais, Final Fantasy, il y a quand même eu Final Fantasy 7 Advent Children, je pense. Ça, c'était bien avant. C'était super bon. Ça, c'était vraiment avant. Ça, c'était en 2001. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Sauf que plus tard, ils ont sorti un film en 3D qui a vraiment rapport avec Final Fantasy. Puis il était très bon, mais bon. On n'en parlera pas plus, c'était pas très bon, c'était vraiment un navet. Puis c'est même, j'aimerais bien mieux me taper Super Mario Bros. Dans toutes les langues que Final Fantasy Spirits Within. Là, je regarde la liste là, de tous les autres films, je me rends compte que j'en ai pas vu. T'en connais pas beaucoup. Mais c'est ça, là, on va arriver au film qu'on a plus ou moins vu. Mais moi, il y en a une couple là-dedans que j'ai vu que j'aimerais parler. Il y a Resident Evil, le premier, je l'ai vu. Puis, ben franchement, je trouvais ça vraiment mal fait. Puis, je voyais pas le lien entre le jeu. Pis ça, tu sais, moi je voulais voir Leon. Ouais. Puis là-dedans c'était Alice. Fait que j'étais plus ou moins intéressé. Mais je l'ai vu pareil. Je trouve que c'est encore une fois une des meilleures tunes de film qu'il y a eu. Là, la tune principale du film, c'était Marilyn Manson qui l'avait faite. Elle est vraiment bonne. Okay. Mais mis à part la tune du film, le film c'était pas pire. C'était comme un bon film de zombie. Mais avec les chiens en zombie mal fait en 3D et dans le train à la fin, là, j'étais vraiment comme... C'était pas terrible. Puis Resident Evil, ils en ont fait beaucoup d'autres films par la suite. Je les ai pas toutes vus. Puis là, ça a l'air que le dernier qui est sorti dans le désert, je sais pas trop, il était quand même assez bon. OK. Fait que, en tout cas, je vais checker ça sur Netflix, ils sont tous là. Fait que... Après ça, il y a les films de Uwe Boll, qui est quand même un réalisateur important pour les jeux vidéo. Qui ça, t'as dit? Uwe Boll. Uwe Boll? Oui. OK. Ça, c'est un Allemand qui fait des films sur les jeux vidéo, puis il fait tous les films... Pardon. Il fait tous les films poches. Il est pas pourquoi personne va comme lui dire d'arrêter? Il fait juste des films mauvais. Il fait tous les films poches, lui. Ah, ben, excusez. Une chance qu'il est là. Non, c'est ça. Une chance qu'il est là, puis il a fait House of the Dead. Il a fait justement Blood Rain, c'est lui. Il a fait Postal. Il a fait In the Name of the King, Dungeon Siege. Postal, c'est-tu comme une parodie, ça, de Portal? Ou... Non. Postal, c'est parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Postal. Ouais. Que moi, j'avais acheté sur Mac. T'es un gars en chemise de chasse, puis on t'enlève tout, t'as plus d'argent, t'as plus rien. Fait que tu sors de chez vous, puis tu tires tout le monde. OK. Fait que c'était un peu le rapport Going Postal. OK. À cause de ce qui s'est passé avec les postes, tout ça. Fait que, bref. Ils ont fait un film là-dessus, c'est vraiment une merde, hyper. Ça a offensé énormément de monde. Puis c'est vraiment pas bon. Le gars, il a. Dans un sens, il a des couilles au bol parce qu'il arrête jamais. Ouais. Puis il sait qu'il est pas bon, là. T'sais. Il a fait des entrevues à G4, puis ils ont demandé, tu sais, comment vous vous sentez d'être le pire réalisateur de tous les temps, tu sais. Ouais. Puis lui, il disait, j'ai aucun problème avec ça. Il dit, au moins, j'ai un statut, tu sais, je suis con. C'est bien ridicule, content, ça. Mais ça veut dire que quelqu'un qui. Son où, c'est. Attends, ils disent le box-office à côté, là. Film poche, là. Ouais. Lequel qu'il a fait, là, House of the Dead, il en a fait, check. Le score de Rotten Tomatoes a 4%. C'est pratiquement plus bas après Double Dragon que 0. Mais Resident Evil, ici, c'est lui qui a fait ça? Mm-hmm. Non. Ouais. Oui. Resident Evil, ça, c'est 102 millions. 102 millions. Puis ça, c'est très drôle, ici. Postal. Oui, DOA, Dead or Alive, c'est-tu? Ah non, c'est Postal. 146 000. 146 000 piastres. Wesh! Ouais. OK, ouais, non, ça, c'est épouvantable. Mais bref, si vous voulez chercher ça, Uwe Boll, c'est Uwe Boll. Puis le gars comme tel, c'est un personnage vraiment sympathique. Il est drôle. Ouais, ça doit. Ça. Il est vraiment le fun, le gars, mais ses films sont épouvantables. Faudrait qu'il arrête d'en faire à un moment donné. Là. Après ça, il y a eu... après House of the Dead, dans ce temps-là, il y a eu Lara Croft, Tomb Raider, The Cradle of Life, qui était comme la suite de Lara Croft, mais un peu moins bon, celui-là. C'était encore avec Angelina Jolie. Moi, je vous le conseille moins. On dirait qu'Angelina est un petit peu tannée peut-être de faire ce rôle-là. Ouais. Ça ne tentait pas vraiment. Il y a eu d'autres Resident Evil, évidemment. Il y a eu Alone in the Dark avec Christian Slater, puis c'était pas bon. C'était tellement pas bon. Christian Slater là-dedans, ouais. Puis c'était vraiment mauvais. Après ça, bon, Doom, crime. Ah, parlons de Doom. Toi, tu l'as-tu vu? Non. Je te dis, j'ai vu aucun des autres films. Mais moi, Doom, je l'ai vu parce que tout le monde parlait de la fameuse scène à la première personne. Ouais. C'était la première fois qu'il y avait une scène comme ça dans un film. Okay. Ça dure environ 10 minutes, puis c'est malade. Okay. C'est vraiment cool, cette scène-là, sauf que c'est ça, c'est 10 minutes. Ouais. Tout le reste, là, t'as The Rock qui joue dans ce film-là, puis qui est épouvantable, puis le film est vraiment, vraiment mauvais. Là. T'as l'air d'être... C'est comme une mauvaise version du film Cube, qui est un super bon film, tu sais, parce que t'es dans des endroits un petit peu sombres, pognés à la Aliens. Puis ça marche pas, c'est pourri. Puis les dernières 10 minutes, si vous avez pas vu le film, allez vous taper ça. Ils sont sur YouTube, puis on va les mettre sur le blog. Il y a eu Blood Rain aussi, ce qui est un film de Uwe Boll encore, qui est d'une pure merde épouvantable. Puis après ça, en 2006, il y a eu Silent Hill. Puis moi, je suis un fan fini de Silent Hill. J'aime vraiment cette série-là. Je trouve que c'est vraiment un univers très intéressant. Puis le film, moi je l'ai trouvé super bon. Puis il y a du monde qui l'ont pas aimé, une fois de plus. Mais moi j'ai vraiment eu du fun à voir ce film-là. J'ai trouvé que c'était vraiment bon par rapport au jeu, par rapport à l'univers qu'ils ont créé. Je trouvais que les personnages dans ce film-là étaient les mêmes, la musique était la même. La façon qu'il arrive à Silent Hill, c'est sensiblement la même chose aussi. Qu'il voit une espèce de fantôme, le véhicule qui s'arrête, qui pogne un accident, puis après ça, c'est de la cendre qui tombe partout. Puis c'est le blanc total, puis la fille, elle s'approche, puis elle commence à voir l'espèce de bibitte pognée dans un sac qui avance. La radio avec la statique, la façon que le monde... de Silent Hill change du jour à la nuit, être pogné dans une espèce de une infirmerie, des affaires comme ça. Ouais. C'est vraiment précis, puis ça marche, puis l'histoire est intéressante. Les acteurs principaux, c'est des bons acteurs. T'as Sean Bean là-dedans, entre autres. Et Sean fucking Bean, vraiment un méchant bon acteur. Puis la fille aussi qui joue le rôle principal, malheureusement, c'est chien pour elle. Je me souviens plus de son nom, mais c'est vraiment une bonne actrice. Puis là-dedans, tout ce qu'on retrouve dans Silent Hill, on le retrouve dans ce film-là. Tout ce qui nous a fait triper, mais dans les deux, trois premiers Silent Hill, c'est là-dedans. Des espèces de personnages bizarres. Le bonhomme à tête de pyramide est là-dedans. Ah, la ouais, petite fille creepy. À un moment donné, t'as aussi les bébés qui crient tout croche puis qui avancent dans Silent Hill 2 sont là-dedans. Les infirmières sont là aussi. Tout est là. Tout est vraiment réussi. Puis c'est un film d'horreur vraiment, vraiment bon, vraiment intense, avec une bonne histoire. Moi, c'est un film que j'ai vraiment aimé, point. Même si c'était pas Silent Hill, je l'aurais quand même aimé. Puis là, vraiment, là, chapeau. Fait que, non, celui-là, là, moi, je vous dirais, c'est... Ça va bien fait, en tout cas. C'est vraiment bien fait, puis le ton est parfait, là. C'est vraiment réussi, puis... Ouais, ça, c'est la scène des bébés, là. Ils sont tout croches, puis la musique, même musique. Fait que, tu sais, c'est vraiment hot, puis c'est vraiment réussi. Moi, je suis convaincu, ce film-là, vous allez voir, vous allez vraiment l'aimer. Puis là, on va passer vraiment rapidement au reste parce qu'on veut pas trop s'éterniser. Puis en plus de ça, c'est pratiquement toute la merde. Il y a eu Dead or Alive que j'ai vu. Regardez pas ça, c'est épouvantable. Postal, j'en ai parlé tantôt. D'autres Resident Evil, évidemment. Il y a eu Hitman, qui est un navet avec Timothy Olyphant, qui est supposément normalement Holy Fantastic. Et là, il était pas fantastic pantoute, il était pourri. Puis tout le monde espère un film de Hitman, puis regarde, ça arrivera pas, ça a trop été mauvais, c'est une personne qui va vouloir financer ça. Il y a eu Max Payne avec Mark Wahlberg, qui était épouvantable, tu sais. Marky Mark n'a pas pu sauver ça, puis surtout que ça respectait pas du tout le jeu. Après ça, bien évidemment, Legend of Chun-Li, le Street Fighter, comme on l'a vu. Prince of Persia, le Sands of Time, on l'a pas vu ni toi ni moi, donc non. On peut pas vraiment juger, mais moi, j'ai des amis à Musique Plus qui l'ont vu puis qui m'ont dit de jamais écouter ça, fait que je vais me tenir loin. Puis c'est ça, puis pour le reste, ben c'est des films à venir, des films surtout en 3D. Un autre Resident Evil, Silent Hill 3D. Mais Silent Hill Revelation 3D, c'est un autre... je pense que ça va être un film en 3D, donc c'est pas vraiment le même genre, mais moi je trouve qu'il y avait, quand même un public pour ce genre de film-là, puis ils ont pas trop réessayé d'en faire avec le temps parce que ça marchait pas, mais là il y en a plein en développement. T'sais, Uncharted est en développement, Halo, il y a beaucoup de monde qui veulent faire un film là-dessus. Il va en avoir de plus en plus. Gears of War. Vu que les jeux sont populaires. Là. Ouais, puis vu que les jeux aussi sont plus proches de ce que ça pourrait avoir l'air dans le film, c'est ça. Fait que les storyboards sont probablement plus près de la réalité. Donc, final... Il y a un film qui est pas un film qui est fait... C'est un film sur les... Pas tant sur les jeux vidéo, mais... Un peu comme Wizard. Je vais revenir à ça. Je voulais plutôt parler de Ben X, qui est l'histoire d'un jeune qui est autiste puis qui vit sa vie à travers... StarCraft, Warcraft, je pense. Il joue à ça, tu sais, là-dedans. Il est comme quelqu'un, il est vraiment hot puis tout. Mais ça raconte en même temps la difficulté d'un enfant autiste dans la vie, tu sais, comment est-ce qu'il fait rire de lui puis tout. Fait que en tout cas, je vous raconte pas toute l'histoire. Mais tu sais, c'est justement pas un film comme c'est pas Double Dragon là. Mais il y a des jeux vidéo dans ce film là. Ça va pas tant parler de Warcraft, mais ça tourne autour de ça. Puis je trouvais que c'était un bon film, ça, comme à thématique jeux vidéo, mais un film intelligent. T'sais. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien, ça, de temps en temps. Exact. Puis pour The Wizard, comme tu dis, le classique des classiques, on avait tout un Nintendo. Ben Nintendo Power annonce ça. Le film The Wizard, en français, l'enfant génial, qui est un genre de petit jeune, qui est peut-être même autiste dans ce temps-là. Le mot, l'autisme n'était pas à la mode, mais il était un peu bizarre. Il était justement ben, ben bon au jeu vidéo, mais il parlait jamais. Fait qu'il participe à un tournoi, puis il gagne, puis tout, puis tout. Puis là, il y avait le dude là-dedans qui avait un power glove. Son power glove, la menace. Mais encore une fois, comme dans plusieurs films, on voulait voir des jeux vidéo, mais ils nous ont pas montré des jeux vidéo. Ils ont montré l'histoire des trois petits jeunes qui voyagent à travers. Mais dès qu'on avait le boot avec le jeu vidéo, ben oui, là, ils jouent un petit peu, là, t'es tout excité, tu sais, mais ils nous en ont pas donné assez. Là. Non. Mais il y a un fait intéressant là-dedans, tu sais, pour ceux-là qui se demandent, on dit-tu Ninja Gaiden ou Ninja Gaiden? Ben, dans The Wizard, j'ai appris ça grâce au Angry Video Game Nerd, dans The Wizard, en anglais, ils disent, attention, vous allez jouer à Ninja Gaiden. Donc, voilà, on est supposé dire Ninja Gaiden, c'est le Wizard qui l'a dit. Je vais vous parler de Space Channel 5 Part 2. C'était un jeu qui était disponible sur Dreamcast au départ. C'est un jeu qui date de 2002. Il y avait eu un autre Space Channel, évidemment, avant. C'était Space Channel 5 sur Dreamcast encore. Je pense que celui-là était sorti en 2000, il me semble. Puis c'est ça, ça c'est la suite, puis c'est vraiment, c'est pratiquement la même chose que Space Channel 5. C'est un jeu qui est développé par United Game Artists, puis c'est publié par Sega. Puis présentement, il est disponible sur XBLA, PSN et Steam. Puis il coûte 10$. Donc, c'est une version HD du jeu original. Puis, qu'est-ce que c'est là-dedans? Ben premièrement, l'histoire, pour vous commencer, c'est les Rhythm Rogues là-dedans qui ont kidnappé des tonnes de gens innocents, puis ils ont kidnappé aussi le président de l'espace, puis ils contrôlent les gens par le pouvoir de la danse. vraiment weird. Puis c'est comme ça, en plus, dans le premier, puis ils font danser sans arrêt, puis là, toi, t'es un reporter, tu t'appelles Oulala, puis tu t'en vas dans l'espace pour reporter un peu ce qui se passe. Puis ta façon de les secourir, c'est de danser finalement, de faire les mêmes mouvements que les ennemis. Puis quand tu fais les mêmes mouvements, ça va pouvoir libérer certaines personnes ou éviter des tirs, tirer des ennemis, des trucs comme ça. La façon que ça marche, c'est qu'on a des contrôles, on a le D-pad puis les boutons. Ce qu'il faut faire, c'est que on a le personnage d'Oulala qui est là puis qui attend la toune de l'ennemi. Fait qu'admettons que l'ennemi, comme là, on va l'écouter. T'as pas d'indication à l'écran de ce que tu dois faire. Faut que t'écoutes ce que l'ennemi dit. Fait que s'il dit, admettons, up, down, up, down, okay, up, down, shoot, toi, faut que tu répètes up, down, up, down, up, down, shoot. Fait que si tu mémorises pas la toune, ce qu'il vient de te dire, tu réussiras jamais. C'est vraiment, contrairement aux jeux comme Parappa the Rapper ou n'importe quel jeu de rythme. Le jeu que j'ai fait l'autre fois, là. Ouais, le jeu que j'ai fait l'autre fois qui était Wayne Collin. J'ai un blanc, c'était. Hey, ça se peut pas. Ah oui. Attends. Sur PlayStation 2, qui est devenu super rare. Ouais. C'était quoi, là, le nom de ce jeu-là? C'était. Ah, Guitar Woman. Ah oui, Guitar Woman, c'est ça. Fait que c'est ça, j'avais essayé Guitar Woman, qui était un jeu dans le genre aussi, mais dans tous ces jeux-là, normalement, t'as tout le temps les indications à l'écran de ce que tu dois faire. Ouais. Fait que c'est pas la même chose, tu sais, ça va changer parce que tu vas vraiment savoir ce que tu dois faire, puis là tu le sais pas, il faut vraiment que tu mémorises. Mais est-ce que les mouvements qu'ils font en même temps qu'ils callent, là, ça aide-tu, ça? Mettons, il dit shoot, oui, ça aide, ça parce fait que tout le temps le même mouvement. Oui, ça aide parce que s'il fait, mettons, left, right, shoot, il va mettre son bras à gauche, il va mettre son bras à droite, puis il va faire semblant de tirer. Fait que ça va t'aider, mais moi j'aime mieux les écouter plutôt que les regarder parce que c'est moins difficile. Puis il y a aussi des ennemis qui vont être à l'écran. Fait que s'il dit left shoot, ben tu vas avoir un ennemi à gauche, puis tu vas tirer. S'il dit left A, à toutes les fois qu'il dit A, tu tires un espèce de rayon de cœur pour pouvoir secourir les gens qui se sont fait kidnapper, les ennemis. Puis non, pas les ennemis, tes amis. Fait que c'est ça, là-dedans, on sauve du monde, on tue des ennemis. Il y a aussi des moments où on va jouer de la guitare, on va jouer des instruments, on va jouer du drum. Puis ça va fonctionner de la même façon encore avec le D-pad ou avec les boutons. C'est juste qu'ils vont, ils vont s'adapter, ils vont dire « pèse par en bas » pour donner un coup de guitare, puis là, tu le fais. Ça devient de plus en plus difficile parce que quand tu commences un mouvement, ça va être super simple. Tu vas dire « en haut, en bas, shoot ». Là, OK, mais après, ça peut être c'est comme en haut, en bas, gauche, droite, B, B, A, tu sais, genre de composition de code qui existait dans le temps. Fait qu'il faut que tu mémorises ça, puis des fois, là, c'est à peu près 10 mouvements là, à mémoriser vers la fin du jeu, fait que ça peut devenir assez compliqué. Là, il y a plein de monde qui apparaissent là, en arrière de toi. Là. C'est qui ça, ce monde-là? C'est des gens que j'ai réussi à sauver. Parce que eux autres, ils ont kidnappé des gens. Ils ont emprisonné avec le pouvoir de la danse. Puis toi, tu vas pouvoir aller les secourir avec ton pouvoir de danse aussi. Ça a-tu été un hit, ça, sur le Dreamcast? Ils en ont fait deux. Ça a été un giga hit. Ah, ouais? Ça a été une bombe. Là. Puis ça a été un des jeux les plus influents pour les jeux de rythme. Ouais. Puis vraiment, c'est parce que les contrôles, puis tout ça, la façon dont tu joues, l'esthétique du jeu, c'était vraiment nouveau dans le temps. Il n'y avait rien qui ressemblait à ça. Puis c'était assez impressionnant. Puis c'est très J-pop, tu sais. C'est très japonais, tu sais. Fait que les Japonais ont adoré. Puis après ça, ici au Dreamcast, quand tu disais que tu avais Space Channel 5, le monde trouvait comme « Oh, wow, tout est... » Tout est cool en tabarnouche. Tu sais, t'avais quelque chose de différent de tout le reste du monde. Là, tu jouais à quelque chose de gros. Déjà que t'avais un Dreamcast, c'était un petit peu c'est différent. Ça, des exact. T'sais. Mais bref, c'est un jeu qui est super le fun. Puis, tu sais, là-dedans, dans la version HD, ils ont ajouté, entre autres, la danse d'Oulala, qui est la même chose, sauf que t'as une série de mouvements à faire. Ah, ah. Puis t'as une vie. Non, t'as pas de poteau. Non, pis en plus, oulala, elle danse tellement croche des fois, pis c'est tellement stiff son affaire. Ça marcherait pas dans un club de danseuse. Je pense pas qu'elle serait très excitante, oulala. Fait que c'est ça, fait que faut juste que tu suives les patterns pis tu le fasses à vitam aeternam jusqu'à temps que tu meurs, tu sais. Fait que c'est pas super intéressant. Il y a aussi un vestiaire qui nous permet de changer d'habit qu'on a débarré en finissant des tableaux. Okay. C'est le fun, mais c'est pas ça qui va vous faire acheter le jeu vraiment. Le co-op est assez poche aussi. C'est un joueur utilise le D-pad, puis l'autre utilise les boutons. Hey, ça doit être dur, c'est mal, ça. C'est super dur. Ouais, ça fait d'abord faire des chicanes. Ouais, c'est ça. Il y a rien d'amusant là-dedans, mais franchement. Là. Puis le jeu, la version HD, j'avoue que il est pas beau. T'sais. Ben, je le regarde, mais il est pas yaub. Non, c'est un peu carré. Ben, tu vois les polygones, ben, tu vois les formes, tu sais, un cylindre branché sur un carré. Exact. Ça... C'est ça, tu sais. Dans le temps du Dreamcast, c'était acceptable, mais moi, quand ils ont dit qu'ils sortiraient une version HD du jeu, je pensais vraiment qu'ils referaient le jeu en HD, mais là, ils ont vraiment utilisé les mêmes affaires. Ouais. Les textures sont pratiquement les mêmes, puis tu sais, il n'y a pas grand texture dans Space Channel 5. C'est vraiment là, si t'as un mur jaune, le mur il est jaune point, là, t'as rien de différent. Et le linge, tu sais, tout est lisse, là. Tout est lisse, il y a les cheveux. Tout est brillant, il y a de la brillance partout. Fait Ben, de la brillance, mais c'est pas éclatant, tu sais. Non. Non plus tant que ça. Mais attends, c'est pas comme, je sais pas, moi, Beautiful Joe, dans le jeu de même, où est-ce que ça pète de couleurs, là, partout. Exact. Puis même à la limite, Guitar Woman, mais ça, en même temps, c'est un petit peu terne, je trouve. Ouais, ben c'est ça. Peut-être c'est juste là. Il y a sur YouTube, c'est sur YouTube, c'est moins beau. Mais ça va être beau, ça va être brillant sur une console, mais on s'aperçoit de tous les défauts. Ouais. Il y a aussi le fait que dans ce jeu-là, il y a énormément de chargements. Puis, tu sais, des fois là, il y a des longueurs là. Comme mettons qu'elle s'en va faire son reportage. Ta voix marcher, chanter puis danser pour arriver au bout où tu vas pouvoir jouer. Ça cache un loading. Ça, c'est plate. J'ai l'impression que ça cache un loading. Ouais. Mais il y a aussi, regarde, ça, c'est un jeu qui est typiquement japonais. Fait que ça explique aussi le jeu que c'est typiquement japonais. Là. Ouais. T'sais, fait que c'est. Moi, je trouve que pour 10$, un peu cher, 10$ pour ça. 8, mettons, ça l'aurait fait. 8, ça aurait peut-être aidé, mais moi, j'aurais mis même encore plus bas. Ah ouais, fait que s'il tombe en spécial, achetez-le. Tu sais, s'il est 8$, 7$ ou 6$, achetez-le parce que c'est vraiment un jeu qui est le fun. Là. Si t'aimes les jeux de rythme, ouais. Celui-là, il va te challenger. La musique est le fun. Puis, tu sais, les tableaux, il y a quand même de quoi d'intéressant visuellement. C'est un jeu qui a vraiment marqué beaucoup de monde. Puis, c'est. Sur Dreamcast, c'est un des jeux les plus populaires, les plus puissants qu'il y a eu. Puis, un fun fact pour terminer. Ouais. Je suis bourré de fun fact aujourd'hui. Vas-y, vas-y. Il y a un personnage dans le jeu nommé Space Michael qui se retrouvait aussi dans le premier jeu, dans Part 1. Puis Space Michael, ben c'était Michael Jackson. Ah ouais? Non seulement c'était Michael Jackson en look dans le jeu, mais c'est aussi lui qui faisait la voix. Ah ouais? Fait que Michael Jackson... Ils l'ont payé, là. Ouais, ouais, ils l'ont payé, c'est okay. Pour vrai. Puis Michael Jackson, tu sais, évidemment... tripait sur les Japonais puis tout ce qu'il y avait au Japon, ouais. Fait que ça a pas dû être dur de le convaincre. Wow. Il a fait la voix, puis cool. Même dans la version japonaise, Michael Jackson parle en anglais, donc vous l'aurez pas en japonais. Là. Okay. Mais il parle en anglais, puis sa voix est vraiment comique, là, toute fragile. Puis c'est ça. C'est un fait amusant, c'est quand même assez cool de savoir ça. We need to save our galaxy, Yulala. Are you ready? Puis, bon, Space Channel 5, attendez qu'il soit en spécial, à moins d'être un fan fini. Moi, je suis un fan fini. Ou si vous le trouvez en vrai jeu. Au magasin, ouais. Là, je sais pas combien est-ce qu'il vend. Il est sorti sur Dreamcast, mais il est sorti aussi sur PS2 en 2002. Fait que c'est possible de le trouver, d'après moi. Puis la version Dreamcast va être plus chère. Hein. Moi, c'est exact. Ça que je voudrais. Même si je n'ai pas Dreamcast un jour. Mais c'est un must. Space Channel 5, Part 1 puis 2, c'est quand même des très bons jeux. Là. Donc... c'est ça. C'est un bon jeu de rythme qui va vous amener ailleurs. Excellent. Donc, mon baptême de feu de la PlayStation 3, yes! Mesdames et messieurs. Bienvenue. Ah, yeah, ben merci, merci. J'ai déjà plein de monde là de AD. Eh ouais. Je capote. Non, c'est vraiment cool. Ben, j'ai reçu mes câbles HDMI, hein, finalement. Ouais. Fait que je me suis mis à jouer pour de vrai. Puis tu m'as passé des jeux, puis j'en ai downloadé quelques-uns déjà, mais je voulais commencer avec un jeu dont j'ai vu le trailer il y a déjà... Ouais, t'étais vraiment marqué par ça, même avant d'avoir une PS3, je sais pas pourquoi t'étais comme... Ah, hey, lui, il a fait ça, écœurant, là, j'étais comme, ok, fallait... Ben, c'est clair, ben, j'ai dit ça, on en a parlé il y a longtemps, puis on trouvait que ça avait l'air du nouveau Jackal. Ouais, là, c'est vrai. Un jeu de Jeep, là, totalement. Fait par Konami au NES. Mais je trouvais que ça avait l'air de brasser pis tout. J'ai aucune idée pourquoi j'ai stické là, sur ce jeu-là. Fait que ça a été le premier jeu que je suis allé chercher, pis ça s'appelle Renegade Ops. Yes. J'en ai un petit peu parlé sur Twitter pis tout. Donc voilà, je vais vous en parler à vous maintenant. C'est un jeu c'est pas compliqué. C'est pas compliqué pas en tout. Pis c'est ça que j'ai aimé. Moi les jeux trop compliqués, ça m'énerve. Puis, c'est un twin stick shooter qui appelle, hein? Exact. Donc, il y en a beaucoup de ça sur les consoles. C'est un jeu de guerre. T'es un Jeep. Puis, tu te promènes à travers un univers là, de guerre. Là. Fait que tu te promènes avec ton Jeep, tu contrôles la gauche avec ton analogue gauche, puis tu shootes et tu vises avec ton analogue droit. Fait que c'est ça. Bon, en gros, l'histoire, c'est pas compliqué. Il y a un gros méchant qui prend possession de la Terre en entier puis qui fait sauter des îles. Il s'appelle Inferno. Puis là, comme l'état-major de l'armée, là, au début, ils sont comme, bon, on a Inferno, là, qui fout la merde, qu'est-ce qu'on fait? On va négocier. Là, toi, t'es comme le colonel Brian. Là, tu rentres dans la place, tu dis, le gars s'appelle Inferno. Il veut pas négocier. Fini le niaisage. Là, t'arraches tes médailles militaires, tes tirs à terre. Puis là, tu pars avec tes quatre soldats qui sont tous les Renegade Ops. Donc, t'as quatre personnages. Ils ont chacun leur Jeep à eux avec leur arme spéciale. Puis tu pars faire la guerre à Inferno pour le tuer. Okay. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ce qu'il y a de le fun aussi à ce jeu-là, c'est que toutes ces cinématiques-là, quand le colonel il parle pendant que tu joues, c'est comme comic book, en fait. Toutes les images, c'est comme des comic books. C'est jaune quand c'est décrit des choses, tu sais. Donc, c'est comic book. J'ai vu aussi que ça popait des fois pendant que tu joues, il dit des affaires, tu sais. Okay. Mais c'est ça. Donc, ce jeu-là, c'est du rock and roll. Moi, c'est ça que j'aime, là. C'est cheesy, tu sais, tout ce qu'il se dit là-dedans. Ouais. C'est comme, alors, les Renegades, vous êtes prêts? On va aller tuer le méchant. Il va pas aimer ça partout. Puis, tu sais, c'est quétaine au max, mais c'est parfait. Parce que avec le comic book, tout ça fit ensemble. Et quand tu joues, moi, je fais pa, pa, pa, pa, pa, vous l'entendez, là. Oh, ouais, ça plombe, là. Explosé partout, là. Donc, c'est ça. T'embarques dans le jeu, tu shootes, tu te promènes à travers des univers. Moi, je suis rendu à la mission 5. Okay. Chaque mission se passe à une place assez différente, mais ça finit par se ressembler, là, par exemple. Ouais, c'est parce ça. Que ton Jeep est vu de haut, puis tu te promènes à travers, comme il y a des stations, tu sais, tu fais un bout de chemin, puis après ça, tu as comme une station où est-ce qu'il y a bien des ennemis, il faut que tu les éclates, après ça, tu t'en vas plus loin, tu as un bout de tranquille, tu sais. Puis ça finit, tu fais tout le temps des ronds un peu, tu sais, pour pas te faire tirer dessus, puis tu passes ton temps à, c'est ça, à faire des shears avec ton Jeep. Puis à faire du contrôle comme ça, puis à tirer dans tous les sens. C'est pas si simple au départ d'être capable de synchroniser les deux en même temps, là, de voir où tu vas, puis de shooter, puis de viser au moins. Là, un batteur serait bon pour jouer à ça, je pense, tu sais, comme capable de faire deux choses différentes avec ses mains. Moi, c'est ça, là. Donc ça demande la concentration. Mais c'est surtout que ça, parce qu'on l'a essayé tantôt à deux. Ouais. Puis, moi, je trouvais surtout que c'est ça, les véhicules, contrairement à les Twin Stick Shooter, là, pour l'instant, t'es habitué que. Ça soit un vaisseau dans l'espace, puis je veux dire, il est fixe, puis il glisse pas, tu sais. Là, les véhicules, ça glisse, je veux dire, quand tu ça tournes, là, ça dérape. Fait que, des fois, c'est difficile de contrôler. Ça dérape, mais il se ramène bien. Oui, il se ramène bien. Parce que moi, les jeux qu'on dérape tout le temps, puis qu'on se tire dans le clos toujours, j'aurais pas accroché, là, ça a été comme ça. Puis au début, je trouvais ça dur, ça m'a pris quand même une couple d'essais avant de faire la première mission. Mais un coup que ça a été fait, tu sais, là, je l'ai dans le sang, le jeu, là, je suis capable de bien contrôler. Est-ce que t'as vu une différence entre les véhicules? Parce qu'il y a plusieurs véhicules. C'est ça, il y a quatre véhicules différents. Donc, il y a quatre personnages, comme un gros black, un gars noir, là, baraqué, une petite punkette, là, un genre de dos à la Johnny Cage, justement, puis un autre fille, genre habillée en latex. Là. OK. Yes, sir. Mais ils ont toutes, les jeans sont toutes de formes différentes, mais ils se contrôlent toutes pareilles. Mais ce qu'ils ont de ce qui les différencie réellement, c'est une arme spéciale. OK. Mettons, la fille latex, elle, son arme spéciale, ça envoie une espèce de choc électrique, fait que ça paralyse tous les chars autour. Donc là, tu peux les tirer. Le noir, lui, comme son véhicule, il devient blindé pendant il y en a un autre qui lance une attaque, ça cale les avions, tu sais, puis les avions ils viennent puis ils bombardent. Puis l'autre, comme il s'installe, puis il y a une espèce de gros gun là, qui sort, puis là tu peux tirer des gros shots, mais tu sais, t'es sur place pendant ce temps-là. Fait que c'est vraiment, tu tires, tu t'en vas, puis ça c'est pas mal dur. Mais c'est ça qui a de le fun dans ce jeu-là, tu peux monter le niveau, puis upgrader tes G. S'il n'y avait pas eu ça dans le jeu, là, on trouvait ça plate, peut-être c'est ça, plus rapidement. Moi, j'ai essayé le démo, puis le démo, c'était un peu ça. Tu sais, t'avais pas vraiment de profondeur, tu pouvais pas changer ton Jeep ni rien de ça. Non, fait, c'est ça. Je me disais, OK, c'est le fun, mais je vais-tu vraiment payer 15$ pour faire ça sans arrêt? Tu sais, c'était... Je trouvais que c'était tout le temps la même affaire, tu sais. C'est pas mal tout le temps la même affaire, là, mais quand quelque chose est le fun, t'aimes ça le faire. C'est ça. Puis le leveling up, ça aide. Puis aussi, mettons que t'as une mission qui est dure, t'as refait 4-5 fois, tu sais, ben ton expérience, ça continue de monter. C'est pareil, ça. Fait que ton Jeep, il va monter le niveau, il va être plus rough, puis tu vas ramasser des points. Okay. Puis tu vas pouvoir te mettre des upgrades qui vont finir par t'aider à passer au travers, là, finalement. Donc, ce côté-là, là, de niveau, de RPG, si je peux dire, de farming, en fait, de ton Jeep, tu sais, du farming dans un jeu de même, c'est assez incroyable, mais c'était le bienvenu, là. C'est vraiment cool pour ça. Puis, ce n'est pas tout. Tu n'es pas toujours en Jeep. Des fois, tu peux même prendre un hélicoptère. Ah, là, ça fait totalement Desert Strike. Là. Okay. Tu voles, puis tu shoots, puis il se contrôle pareil comme le Jeep, ou à peu près, parce qu'il... Tu tires pas de tous les sens, tu tires tout le temps par en avant, fait que c'est plus difficile là, de tourner. Mais malgré tout, ça se contrôle très bien. Puis ça, c'est vraiment le fun, là, parce que le boss du premier tableau, c'est un espèce de gros porte-avions géant, tu sais. Okay. Fait que là, tu fais le carnage, tu ramasses tes affaires, puis tout, puis là, le boss arrive, fait que tu lâches le Jeep, t'en vas dans l'hélicoptère, tu t'en vas au-dessus de l'eau, puis tu t'en vas t'attaquer toi-même au porte-avions. Là. Puis là, il y a du stock là-dessus, mon gars, tu sais, ta-ta-ta-ta-ta, ça pète, là. Ça, c'est le fun de ce jeu. Ça explose, là, c'est malade, malade, là, c'est très intense. Donc, j'ai trouvé ça, ça rajoute encore plus de fun de pouvoir être en hélicoptère, là, des fois. Puis, c'est ça, ben, les missions, t'as tout le temps une mission principale, mettons, va détruire les lance-roquettes. OK, va pogner le convoi de prisonniers. Il y a des tanks qui nous bloquent le chemin à cette place-là, va détruire ces tanks-là. Donc, ils disent toujours quoi faire. puis t'as une flèche rouge en avant de toi qui t'indique où aller, là. Tu sais, comme ça, tu te perds pas tout le temps. Tu perds jamais, en fait. Ça, c'est bien le fun pour ça. Oui. Parce que tu peux avoir une map, mais la map, elle sert à rien. Parce que ta flèche, elle dit toujours où aller, là. Quand ouais, c'est ça. T'as une flèche en avant de ton char. C'est ça. Okay. Ça, t'es toujours correct. Puis t'as des petites submissions, là. Tu sais, mettons, en même temps, la flèche est grise, celle-là. Donc, tu peux choisir de suivre la flèche rouge ou grise. Donc, t'es pas pénalisé si tu fais pas une mission. Ben oui, t'es pénalisé, en fait. Les flèches grises, c'est genre, va chercher des armes, là, puis ramène-les aux villageois. Tu sais, c'est des on va ramasser des reliques là, qui sont cachées. Ça te donne des points d'expérience, mais ça te fait pas finir la mission. Mais les autres, les flèches rouges, ça, c'est tes objectifs principaux, puis t'as du temps. Si tu niaises trop, là, t'as un countdown, puis un moment donné, t'as plus de temps pour le faire. Fait que faut que tu te grouilles quand même. Tu peux trop niaiser. Okay. Fait que des fois, faut que tu te rendes un point qui est quand même très, très loin. Ils font passer à travers plusieurs bases ennemies avec full de monde dedans. Là, tu te dis, bon, OK, je vais faire le ménage, je vais tuer tout le monde. Mais des fois, t'es mieux de laisser ça continuer. Mais ce qui est chiant, c'est qu'après ça, il y a un autre objectif. Quand tu vas finir celui-là, tu vas te faire repasser par là. T'es comme, ah non, je les ai pas tués tantôt, eux autres, là, faut que je repasse au travers, tu sais. Donc, non, c'est chargé, là. Aïe, aïe. Mais c'est ça, il n'y a pas vraiment de musique là-dedans. Là. Non, c'est ça, c'est vraiment... Il y en a un petit peu, mais c'est parce que ça tire tellement qu'on s'en rend pas compte. Tu sais. Ouais. Mais moi, ce que j'ai aimé, je voulais parler du mode co-op, parce qu'on l'a essayé tantôt avant de commencer l'épisode, puis j'ai trouvé que c'est un jeu qui prend pas mal de valeur en co-op. Puis tu peux avoir l'écran divisé en deux statique, puis tu peux l'avoir dynamique aussi. Ouais. C'est quand les deux jeeps sont proches, c'est tout dans le même écran. Quand il y en a un qui s'éloigne, l'écran se divise tranquillement, puis l'angle, l'axe suit. Fait que ça, c'est bien fait. Bien fait. Mais quand ça doit être malade de jouer à quatre lines. J'imagine les quatre hélicoptères qui buzzent autour du porte-avions pour tirer. Ah, ça doit tellement sauter. Ah, ça doit être écœurant. Écœurant, ce jeu-là. Ça, c'est le genre de jeu où tu joues une gang là, ou à deux même un samedi soir, puis que t'es comme. Ah, t'as du soin en masse. Tu sais, tout ce qui bouge, ça pète, mon gars. Tu prends un break entre une mission, tu trouves une bière, tu continues. Ça doit être vraiment, vraiment le fun. Non, c'est vraiment. Moi, je pense que c'est un jeu de gang, cette affaire-là. Ah, ouais, t'sais. Totalement. Ben, seul, tu vas le passer rapidement quand même. Je pense que c'est combien de temps. Je sais pas combien de missions, j'ai même pas fouillé. Mais, tu sais, je joue à normal en passant. Je joue à hard, là. Je joue toujours normal. Mais je sais pas, ça doit se faire bien, mais tu sais, tu peux recommencer. C'est le fun tout le temps, tu sais. Tu dis, bon, je vais aller blaster un peu. Tu joues à ce jeu-là pour faire ça. Puis, tu sais, en même temps, ça te fait gagner de l'expérience. T'as 4 jeeps que tu peux monter. Fait que tu montes tes jeeps, là, puis les upgrades sont intéressants sur chacun. Ça, c'est bien. Mais côté graphique aussi, moi, ça me faisait penser un peu à Command & Conquer, tu sais, la façon dont. Les jeeps, ben, en pas mal plus haute, là, mais la vue de dessus, un peu, là. Puis t'as les ennemis sont bien spéciaux, tu sais. Ben, t'as des tanks, t'as des lance-roquettes, ça revient toujours, mais des fois, à un moment donné, t'as les juggernauts, c'est des espèces de grosses stations mobiles qui avancent, là, puis ça tire de tous les bords. Fait que toi, t'es en hélicoptère, tu tournes autour, tu sais, il y a des ennemis spéciaux, des fois, qui arrivent. Ça, c'est vraiment le fun. Puis toi aussi, t'as quand même des armes spéciales aussi. Tu pognes des armes spéciales, lance-roquettes, lance-flammes, des genres de gommes de main. T'en as pas toujours, mais c'est ça. C'est dur à maîtriser, eux autres, parce qu'ils tirent tout le temps en ligne droite, là. Ouais, c'est ça. Mais aussi, ce qu'il y a de bon, c'est que oui, tu te fais blaster pas mal parce que ça tire de tous les bords, mais ils te donnent beaucoup de la life souvent. Puis tu pognes des updates aussi sur ton machine gun de base. Okay. Il devient double, puis après ça, comme plus fort, puis plus fort. Mais c'est ça, puis ton véhicule, il monte de niveau des fois pendant une partie. Il monte pendant la partie, mais tu pognes quand même des updates, là, tu pognes des sub-weapons, puis des balles là-dessus, puis tes balles normales peuvent upgrader aussi. Là. Tu vois, là, ils sont doubles, puis après ça, ils sont comme plus gros, ils font ça fait que ça pète, ils sont plus forts, là, carrément. Donc, il faut que tu tues pas mal de petits jeeps, là, en passant par-ci, par-là, tuer du monde pour te pogner de la life, pogner des updates, mais c'est le fun à faire. Ah, cool. Non, moi, j'ai vraiment trippé ce jeu-là, vraiment. Là, au début, je trouvais ça vraiment dur. J'avais envie d'abandonner, là, parce que le boss de fin, même le porte-avions, là, au début... T'as rien, puis ton véhicule est de base, c'est pas évident. Non, ça, c'est plate. Quand tu meurs, tu perds toutes tes updates. Ah, fait que là, tu retournes avec ton P-shooter, t'es en merde. Ouais, c'est pas terrible. Ça, c'est un petit peu plate, là. Mais sinon, tu trouves-tu que ça vaut 15$, ça? Ben, la plupart... Ben, moi, je m'y connais pas beaucoup en jeu. Les jeux coûtent à peu près 15$ ou PSN? Ben non, il y en a à 5 puis il y en a à 10. 5, c'est rare, mais 10, ça arrive souvent. Ça serait fait... Mais tu sais, comme un jeu de cette qualité-là, je sais à quel point t'aimes Limbo. Ouais, ben, Limbo, il est 10$. Ouais, Limbo. T'sais, mais ça, c'est différent. C'est ça, c'est assez différent. Mais... C'est totalement différent. Mais moi, j'ai regardé bien des jeux. Ouais. J'en ai pas acheté des tonnes, mais j'en ai vu beaucoup à 15$. Mm-hmm. Moi, je trouve que ça vaut 15$. Ouais. Ce jeu-là, je vais jouer à ça souvent. Là. Même, j'ai le goût de jouer maintenant. Ouais, ouais. C'est sûr que je vais vouloir le finir, je vais vouloir monter mes autres jeeps, puis que s'il y a du monde qui vient, on va faire le party, puis on va jouer à ça. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Non, c'est vraiment cool. Merveilleux. Je pense qu'il y a d'autres contenus aussi que tu peux... Je suis pas familier encore avec ça. Je suis un habitué du PlayStation, mais tu peux acheter d'autres affaires. Là. Okay. Je pense qu'il y a le véhicule de Half-Life okay. que tu peux comme acheter wow. là-dedans, puis c'est tu peux cool, l'avoir ça? Comme jeep. Là. Okay. Donc, je vais surveiller ça, mais... Non, Renegade nice. Ops, mon baptême de feu, et c'est le cas de le dire. J'ai adorez ça, moi je vous le conseille fortement. Great! Je vais vous parler de Renegade. Rien à voir avec Renegade Ops, hein? Exact, tu sais, ça a vraiment donné de même, on a fait ces deux jeux-là en même semaine. Parce que moi, c'est ça, cette semaine, je prends une approche plus rétro. Toi, t'es rétro cette semaine? Ouais. C'est moi qui ai deux jeux nouveaux, puis toi, t'as deux jeux rétro cette semaine quand même. Écoute, c'est merveilleux, ouais. c'est tant mieux. Puis, je vais vous parler de Renegade, parce que Renegade, c'est un jeu que, moi, c'est un jeu que j'avais acheté quand j'étais jeune, puis j'ai vécu beaucoup de frustration avec ce jeu-là. Ah ouais? Ouais, fait que Renegade, c'est un jeu de Taito, ça a été développé par Technos Japan, et c'est un jeu de Nintendo qui est sorti en 87, mais il est sorti aussi également sur les arcades. Puis présentement, il est disponible sur la console virtuelle pour 5$. Ah ouais, il est là? Oui, okay. il est là, fait que vous pouvez le procurer, puis d'ailleurs, c'est ça que j'ai fait pour pouvoir faire ma critique, parce que quand je l'ai vu, j'ai fait comme... Hey, j'avais trippé Renegade, j'ai pas compris, tu sais. Ah oh, ouais, que... ça, moi, ça m'arrive toujours quand j'achète des jeux, là, des cassettes. Là, j'ai acheté Kid Cool l'autre fois, puis j'ai trippé à mort. Ouais. Quand j'étais petit, oh yeah, tu sais, là, je joue à ça. Oh, là, tu dis que quand j'étais petit, j'étais vraiment genre. Oh non. Pas de jugement. Mais non, c'est ça. Renegade, c'est quand même un jeu spécial. Si tu regardes la pochette, déjà, la pochette. C'était pas pire. Est hallucinante, là. Tu sais, c'est vraiment une pochette de feu. Parce que c'était une espèce de vieille illustration avec un gars en qui a l'air justement du travailleur. Mais il a l'air d'un travailleur, là, ça a-tu un rapport, ça? Ça a vraiment pas de rapport. Parce que l'histoire de Renegade, là, c'est vraiment simple. C'est des gars qui ont des punks, littéralement, qui ont kidnappé ta blonde. Puis toi, tu vas aller la chercher. T'es un tough guy, quand même. C'est pas parce que t'es fonctionnaire que t'es tout le monde. Mais on dirait vraiment que c'est un gars, genre... On dirait que c'est lui de travailler. Oui! C'est ça qui me volait au punk. 9 à 5, tu sais, il est arrivé dans le métro, puis c'est comme, tu le prendras après ce métro, con! Puis là, lui, il a décidé, fuck that. Moi, j'ai cœuré, là, des maudits punk. Un peu comme dans Falling Down, ouais, ouais. C'est le même genre de jeu, j'ai l'impression, là, pour ce qui est de l'histoire. Mais c'est pareil comme Double Dragon, là, ça. Oui, mais c'est ça, c'est important de dire que les gens qui ont fait Renegade, ils ont aussi fait Double Dragon. Parce que si je parle un peu de l'historique de tout ça, c'est que c'est un jeu qui fait partie de la série Kunio-kun. Mm-hmm. Et Kunio-kun, c'est une série qui est faite par Technos Japan. Et puis, vous allez sûrement la reconnaître parce qu'il y a plusieurs jeux qui ont été faits dans cette série-là qui étaient nommés après l'ex-président de Technos Japan qui s'appelait Kunio. Puis, la liste des jeux, ça a commencé avec Renegade après Double Dragon. En passant, Double Dragon est sorti avant. Puis il y a eu Double Dragon est sorti avant? Oui, Double Dragon est sorti avant. Ils ont fait Double Dragon, puis après ça, ils ont sorti la série Kunio-kun. Renegade, c'est venu après Double Dragon. Oui, c'est venu après Double Dragon. C'est, bon. C'est un peu basé sur Double Dragon, ouais. Tu sais. Un peu beaucoup. Le premier jeu, ça a été Renegade. Après ça, il y a eu River City Ransom, que tout le monde connaît, c'est un classique. Super Dodgeball, un de mes préférés. Ouais. Crash and the Boys, Nintendo World Cup, qui est un jeu de soccer. Donc, il y en a eu d'autres, Crash évidemment. Crash and the Boys, moi, je m'en rappelle. Oui, sûr que tu t'en rappelles. Je m'en rappelle. Puis c'est ça, tous ces jeux-là, les bonhommes, le sprite est très... Il était pareil. Pareil. Il était des pareil, avec comme là, des petits points ronds, là. Ouais. On dirait qu'il était poigné sur le corps. Ouais. Fait que, non, on dirait que c'est. Parce que c'est drôle, ces personnages-là, tu sais, ils ont pas l'air vraiment musclés, ils ont comme l'air gras, mais tu sais, c'est des gars chubby qui se battent, tu sais. Ouais. Fait que là, tu vois quelque chose présentement, puis je veux qu'on en parle plus tard, fait que je vais le changer de place. Parce que, puis c'est ça, chose intéressante, c'est que dans la version nord-américaine, ils ont tout changé ça. Le gars, il s'appelle Mr. K, fait que c'est plus Kuni Okan. Ouais. Fait que, ils ont tout changé ça. Là-dedans, il y a 4 tableaux en tout. Le premier tableau, c'est dans un métro. Après ça, il y a la marina. Après ça, il y a les ruelles. Puis après ça, il y a les appartements. Puis ce qui est impressionnant... Les appartements. Oui, les appartements. Ben, c'est parce que tu commences dans une rue, puis après ça, tu rentres dans les appartements. Ah ouais. Il y a même du monde qui fait de la moto dans les appartements. Ça, c'est assez spécial. Wow. Dans une petite chambre avec un stéréo, une TV et un sofa, tu sais. C'est merveilleux. Puis le système de combat est quand même assez impressionnant parce que dans Double Dragon, tu sais, tu pouvais donner des coups de pied, des coups de poing, puis tu pouvais faire des jump kicks, tu sais. Ouais. Puis là-dedans, tu vois que c'est l'évolution de Double Dragon parce que tu peux donner des coups de poing, des coups de pied sautés. Tu peux prendre le personnage puis donner des coups de genoux dans les couilles. À Double Dragon, tu peux le faire, ouais. Ouais, tu pouvais le faire. Tu peux le lancer, tu peux aussi t'agenouiller sur ton ennemi quand il est à terre puis donner des coups de poing. Ouais. Tu peux prendre toutes les armes aussi des ennemis, donc il y a des chaînes, il y a des battes de baseball, toutes ces choses-là. Puis les ennemis comme tels, ben ils se ressemblent pas mal tout le temps. C'est tout le temps des espèces de petites toffes avec un coat de jeans, les manches coupées. Fait que, ils sont tous roses, par exemple. Hein? C'est ça, ben c'est comme ton personnage, mais en rose. Ouais, c'est la même affaire. Pas de niaisage. Non, il niaise pas. Pas de temps à perdre avec ça. Puis le jeu, ce qui fait sa faiblesse, là, c'est qu'il est extrêmement difficile. Ça a l'air facile, je trouve. Ben, ça a l'air facile parce que là, présentement, on regarde une personne qui l'a fait facilement sur NES, tu sais, mais c'est un jeu qui est quand même très difficile, puis c'est de la mémorisation. On en a parlé l'autre jour. C'est un peu de la mémorisation. Tu sais qu'il faut que tu fasses telle affaire pour battre tes ennemis, puis qu'il y a des choses qui fonctionnent tout le temps, comme courir sur un ennemi, puis passer de temps. Ça le fait tomber, tu t'en sers souvent là-dedans. Puis, ce qui est le fun aussi dans le deuxième tableau, tu es en moto, puis tu donnes des coups de pied d'en face au monde. Ouais, mais l'affaire qui m'a le plus impressionné, c'est que dans le troisième tableau, tu es dans une ruelle, puis il y a des femmes qui t'attaquent avec le sac coche. Ben oui, puis on parle pas de des punks pantoute. Non, c'est pas des punks. Je sais pas pourquoi t'es bas, puis t'es ta poche. Ah ouais. Tu t'approches des femmes, genre tu lui donnes des jump kicks. Mais là, il y a un bar en arrière, là, le Kado Bar, là, où est-ce qu'il y a de la beer dedans? C'est écrit beer. C'est ça, ça fait bienvenue aux dames, ils sortent de là, puis ils sacent la volée, tu sais. Ou c'était pas bienvenue aux dames, ils essayent de rentrer. Ils sont fâchés. Ils les ramènent à l'ordre, là. C'était les années 80, tu sais, quand même. Fait que, bref, tu t'approches des femmes, c'est littéralement ça. Ah, lui, il veut juste aller sauver sa blonde, mais pourtant, là, les punks sont pas nulle part. Fait que je comprends pas qu'on tape des femmes avec des sacoches. J'ai trouvé ça vraiment weird. Ils sont en rose, eux autres aussi. Dans le fond, peut-être le but du jeu, c'est de frapper tout le monde. Ça en rose. Ouais, c'est ça. C'est contre le rose. J'ai eu le rose. Ça fait là. Toi, t'es habillé en brun, par exemple. Ouais, c'est pas brun, c'est pas correct. Bang, les roses. Toi, t'es habillé en brun. Ce qui est drôle aussi, c'est que, tu sais, ça arrivait souvent, ça, dans le temps du Nintendo. Tu sais, t'avais une illustration sur la pochette, puis tu te disais, ah, OK, le personnage principal est en chemise blanche puis en pantalon jaune. T'arrives dans le jeu, le bonhomme est avec une froc de cuir brune. Ah ouais, non, t'sais, ça matchait jamais. Ça marche c'est jamais. C'est comme s'ils briefaient pas les illustrateurs dans le temps comme faux, tu sais. Ou l'illustration, t'avais fait avant, puis après ça, pendant que le jeu se développait. Mais tu sais, c'est quand tu parlais de Journey to Sirius l'autre fois, qui a changé, c'était Terminator, ça a changé un autre jeu. Tu pourrais plus faire ça maintenant, non, c'est ça marcherait pas. Puis c'est ça, puis bref, d'ailleurs, je disais tantôt, tu sais, bienvenue aux dames. Dans les images qu'on voit présentement, ils sont dans un bar, le fameux bar, puis il y a une espèce de Jamaïcain qui vend de la bière en arrière, mais qui bouge pas. La photo de son père, c'est le mot. Oui, c'est vrai, il y a une moustache. Non, c'est ça, fait que c'est un peu bizarre. Il y a des affaires bizarres aussi dans ce jeu-là. Si on court, mais qu'on n'arrête pas, puis qu'on fonce dans un mur, on peut mourir. Ouais. Parce qu'on a couru, puis qu'on a foncé dans un mur. Ben, c'est réaliste. C'est très réaliste. Cours, puis fonce dans le mur, ça va faire mal en étoile. Bref, il n'y a pas de continue non plus, t'as juste deux vies. Fait ça, c'est vraiment... ça pardonne pas, là. Puis t'en redonnes-tu de la vie, des fois, en tuant du monde? Ah oui, des fois, tu prends de la life, hein? C'est ça. Des fois, t'en attrapes. Des fois, il y a un petit cœur qui va sortir du corps d'une personne. Tu le prends, puis ça va remonter ta barre. Mais une autre chose intéressante, c'est vrai, tu parles de la vie. Dans ce jeu-là, c'est le fun, parce qu'à toutes les fois que tu rentres dans une autre section du jeu, que ta vie elle revienne. Ah, ça, c'est, ouais, c'est ça, ça. Ah, ouais. Fait que ça, c'est correct. C'est pas mal moins déprimant. Ah, c'est ouais. tellement tough, tu sais. Fait que, sauf que, ce qui est plate de ce jeu-là, c'est que, bon, t'as tout le temps, tu te bats tout le temps contre le même personnage. J'ai pas vraiment de variété. À part le fameux troisième tableau de violence conjugale contre les femmes. Mais à part de ça, c'est tout le temps la même affaire. Tu sais, t'as le tableau en moto qui est comme le gros highlight du jeu. Ouais. Tout le monde regardait en arrière de la pochette, voyait l'achat de la moto, puis voulait le jouer. Moi, c'est ce qui m'a accroché. Je me suis dit, ah, homme d'affaires qui tapoche des punks dans un métro, moto, j'achète. Je suis là. Fait que là, tu sais, justement, on est dans le tableau, dans l'appartement, où on tapoche du monde dans l'appartement de n'importe qui, tu sais. Pas grand-chose dans ces logements-là. Hein. Il se passe pas grand-chose, mais en plus, le gars, il fait ça tard dans la nuit, parce que si on regarde dans l'âge, il est 4 heures du matin. Ah ouais, hein? Ça fait longtemps que les métros sont fermés. Puis il y a aussi des personnages qui ressemblent à Gene Simmons en chest, qui se promènent dans les appartements, puis qui essayent de sacrer la volée. Bref, ils font tout le temps la même affaire, les ennemis, sauf que les ennemis commencent à courir après un certain temps, il y a des motos. Le boss de la fin, il a un gun, puis il va tirer. Ah, c'est donc, tout le temps ça. Lui, c'est plus tard. Il a tout le temps un gun, tu sais. Double Dragon, c'était ça aussi. Il y a personne qui a un gun, puis là, lui, il a Bayou un gun Billy, à la fin. Man, oui, Bayou Billy. Mais, fin, tu le vois, le garde, il a un gun. Puis il va te tirer, faut que tu l'évites. Le meilleur truc, là, courir sans arrêt. C'est la seule façon de finir. Puis j'ai trouvé ça plate parce que une fois que le jeu finit, là, puis là, tu vas peut-être le voir, là, mais dès que ça finit, c'est ça. Tu le gars, coupe, ça coupe. On sait pas si ta blonde est sauf, ni rien de ça. Ouais, c'est vrai, hein. Générique. C'est that's it. On est content d'avoir fini le jeu, on ship. Y a pas de, d'histoire, tu sais. Mais la musique en passant. Est vraiment cool. C'est de la super bonne musique de jeu de NES. T'sais, c'est vraiment nice. Ben, de vieux jeux de NES quand même. De vieux jeux de NES. De très vieux jeux de NES. C'est quand même dans les premiers. C'est quand même entraînant, là, par exemple. Ouais, c'est très entraînant. Puis c'est quand même un bon jeu, tu sais. Considérant que le jeu est 5$ maintenant sur la console virtuelle, ça vaut la peine. Ouais. Ben, je suis sûr que vous trouvez ça au marché aux puces. Je suis sûr qu'il n'est pas cher parce que ça n'a pas été un hit. Pour 5$ et moins, je suis sûr que ça va se vendre. Exact. Ça n'a pas été un gros hit, mais c'est quand même un jeu important vu qu'il fait partie de la série des Kunio-kun. Ouais. Puis c'est un jeu qui est super dur. Si vous cherchez un challenge, là, go. C'est vraiment un jeu qui pardonne pas. Donc, Renegade, quand même... un jeu à découvrir et pour frapper des femmes dans un jeu là, en froc de cuir, c'est quelque chose. Bon, ben moi, je vais vous parler d'un autre jeu qui est... Ben, il est sorti l'année passée, en 2010, à ce que j'ai vu. Donc, je le considère quand même très nouveau. Mais, attention, c'est un classique, ça. Oui. Oui. Parce que c'était au départ sur le Game Boy Advance. C'est ça. Ça s'appelle Shantae. C'est le nom de la fille. S-H-A-N-T-A-E. Shantae. Donc, dans le fond, t'es... Mais moi, celui que je vais vous parler, c'est Risky's Revenge. Donc, c'est le deuxième. C'est la suite de Shantae qu'il y a eu sur le Game Boy Advance. C'est puis, moi, j'ai pogné ça sur le DSiWare, là, pour... C'était sorti sur le Game Boy Advance, puis ça a sorti... Bon, ça a sorti en 2010 pour nous autres, mais c'était un jeu de Game Boy au départ. Ouais. Ah, ce jeu-là, ça n'a pas été simple de le sortir à ce que j'ai lu parce qu'il était en développement. Puis là, comme il était supposé sortir sur le Game Boy Color, mais là, soudainement, badang, le Game Boy... Hey, arrêtez les presses. J'ai découvert quelque chose. Même moi, j'étais dans le champ. J'étais sûr que c'était le même jeu que j'ai joué quand j'étais jeune, mais il y a une différence. Le jeu de Game Boy Color, c'était Shantae. Puis lui, c'est Shantae's Rescue's Revenge. Et c'est un jeu original. Ah, donc, tu fais un jeu nouveau, mais moi, je savais pas pantoute. Je pensais que c'était un vieux jeu, cette affaire-là. Je t'ai dit que c'était la suite. J'ai rien compris. C'est ça. Mais comme je vous disais, à la base, le premier était supposé sortir sur le Game Boy Color. Ben, c'est ça. Il a été retardé. Ouais. Le Game Boy Advance est sorti pas. C'est comme après, puis là, tout le monde a capoté. Fait qu'il est quand même, je pense, sorti sur le Game Boy. Il est sorti sur le Game Boy Color. Puis il n'a pas été aussi populaire parce que l'autre console venait de sortir. Mais les critiques ont trippé bien raide, mais ça a presque pas vendu cause de ça. Alors, le gars qui a créé le jeu, c'est ça qu'il disait, tu sais, ça a chié là, à cause de ça, mais les critiques ont vraiment aimé le jeu. Donc là, on voulait le faire, on voulait le ressortir d'une façon ou d'une autre. Puis c'est arrivé finalement juste l'année passée qu'ils ont fait la suite. Sur DSiWare. Donc, Shantae's Risky's Revenge. Ça, donc, t'es une petite fille, t'es une half-génie, donc demi-génie. parce que dans... Hey boy, c'est pas un... Non, c'est pas si hot. C'est pas gentil, ça. Non, mais la façon que ça. Ce qui arrive dans le jeu-là, c'est qu'il y avait des génies avant, et puis il y avait du monde normal, puis là, bon, bien sûr, ça couche ensemble, ce monde-là, fait que ça fait des demi-génies, mais là, les génies, ça n'existe plus dans ces jeux-là. Tu sais, ils sont comme disparus de la carte. Puis, les demi-génies sont comme assignés à protéger des villes ou des gens, whatever. Donc, nous, Shantae, il faut qu'on protège un village. OK. C'est notre job de protéger ce village-là, là, tu sais. Donc, c'est très, comment on dit, je pourrais-tu dire, danse du ventre, là, là carrément, là, à l'enfer, la danse du ventre, là, la fille, c'est très arabie, quoi. Ouais. Là, ouais. Ouais, mais c'est... Aladdin, un peu. Ouais, là, c'est ça, ça fait les mille et une nuits, là. Ah ouais, carrément. C'est vraiment comme l'univers d'Aladdin. Mm. Puis, c'est un platformer, mais c'est très Metroidvania, là. Ouais, il y a un petit côté RPG à ça, quand même. RPG, ouais, comme Symphony of the Night, tu sais, ben, c'est pas du tout la même... ça se passe pas partout à la même place, mais c'est le même genre. Tu te promènes en plateforme, tu sais, puis tu ramasses des trucs, faut que tu reviennes sur tes pas, des fois, parce que là, tu fais une danse du ventre, là-dedans, tu l'as sous trois formes, tu te transformes en singe, elle se fait transformer en singe, en éléphant et en sirène. Donc là, au début, t'es comme, ah, il y a de l'eau, là, je peux pas y aller. Ben, plus tard, quand tu pognes ta danse du ventre de sirène, tu sais, tu reviens, puis là, tu vas chercher tes choses, là, tu sais. Donc, dans le fond, ce qui se passe, il y a comme un festival, là, au début, de reliques, là, où est-ce qu'il y a des gens qui montent des reliques. Là, il y a un bonhomme qui sort une lampe. Là, tout le monde fait comme, qu'est-ce que c'est ça, une lampe, tu sais. Puis là, il y a Risky Boots qui arrive, c'est une pirate. C'est elle la méchante là-dedans. Là. Ouais. Puis elle pogne la lampe, puis elle sauve avec. Donc là, puis elle scrappe le village, là, tu sais. Fait que là, on a comme failli à notre job de on n'a pas réussi à la battre, là. Fait que là, on est comme déchu, on n'est pas correct. Fait que dans le fond, on part après elle, puis il faut aller la buter. Puis tu ramasses des trucs, là, tout le long. Donc, c'est ça qui se passe. Puis, ouais, lave-la. Justement, lave-la. Ils ont tous des gros seins là-dedans. Là, ben, Whisky est assez impressionnant, tu sais, Whisky, justement. Ben, c'est drôle parce que les sprites, tu sais, justement, dominant. Ils bouncent, là. Ouais. Le personnage a fait du surplace, là-même, les boboïs. Ouais. Les seins, mon disque. Ben, c'est ça, c'est WayForward qui ont fait ça en passant. On parlait de Boy and His Blob récemment. Ouais. Puis, c'est les mêmes, puis sont très forts en animation, là. Ça paraît, là. En fait, c'est super, super beau, là. Ouais, vraiment. Puis, je comprends pas pourquoi c'est un DSI. Ça aurait pu sortir un jeu. C'est peut-être justement à cause qu'il avait peur du risque à cause du premier qui était sorti. Je sais pas, mais ça mériterait d'être de plus grande envergure. Oui, vraiment. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Comment tu peux jouer à ça aujourd'hui à part avoir une 3DS ou une DSi? Tu peux pas. C'est ça le moyen. Ouais, c'est pas. C'est malheureux parce que ce jeu-là est pris dans un univers, tu sais, que peu de monde peuvent essayer. Oui. Donc, c'est ça. Moi, j'ai eu bien du fun à jouer à ça. J'aime ça des jeux de même. Moi, c'est pas compliqué. Puis, dans le fond, t'attaques, tu sautes. Ton attaque là-dedans, c'est que tu donnes des coups de cheveux. Tu sais, c'est comme tu headbang par en avant, tu sais, puis ça fouette avec les cheveux. Fait que c'est bien cool. Les boss sont super le fun. T'avances, tu rentres dans des donjons, tu fais des petites grottes, tu ramasses un item qui te permet de débloquer un autre, puis aller à une autre place. T'as des shops aussi. Tu ramasses des pots de confiture, puis comme c'est de la confiture magique, puis avec ça, tu peux débarrer des pouvoirs magiques, tu sais, pour t'améliorer, là, finalement. T'as aussi, donc des balles de feu, ils deviennent triples. Tu peux t'acheter de la crème pour les cheveux, comme ça, tes cheveux, tu peux fouetter plus vite avec. Tu sais, des petites twists de même. Donc, c'est ça. Tu te promènes, puis tu passes au travers des niveaux. Moi, je suis rendu, je sais pas où. J'ai trois donjons principaux, il faut que tu ailles chercher des affaires. Là, je suis dans le dernier, là, présentement. Okay. Je sais pas si... Moi, je joue, puis je rush, vraiment. Je suis rendu à un bout de compliqué. C'est pas que c'est difficile, c'est juste... Mais des fois, tu te perds, tu backtrack. Ouais, toi, c'est ça. Je sais que t'aimes pas ça, backtracker, me semble. Ben, ça dépend si c'est bien expliqué, puis que je peux reprendre ma partie n'importe quand. Ouais. Ça me dérange pas, mais là, comme Chanté, je l'avais échec, t'allais en parler, puis que j'ai rejoint un peu, puis ça faisait une bonne couple de mois, j'avais pas touché, je savais plus pas en tout quoi faire, j'avais aucune idée. Ben, c'est ça, mais là-dedans, tu peux aller demander dans le village de l'aide un petit peu, mais moi, écoute, j'ai une place, là, j'ai triché, je suis allé voir sur un walkthrough, là, parce que le singe, il pogne des... quand tu transformes en singe, il pogne des updates lui avec, puis il peut comme foum, flyer, puis je savais que ça me prenait ça pour continuer, mais je savais pas en tout où c'est qu'il était, tu sais, je savais que c'était dans le désert, mais là, je voyais un coffre au bord d'un paquet d'arbres, j'étais pas capable de rentrer, tu sais, comment je fais pour aller là? Finalement, j'ai lu dans le walkthrough qu'il fallait que je lance une balle de feu dans les branches auraient brûlé, puis là, mais tu sais, des fois, ça peut être long avant que tu penses à essayer une affaire de même. Donc, tu peux rester pris, là. Ça peut décourager les gens. T'sais. Surtout quand tu sais que le backtracking est permis. Des fois, tu décides, tu fais comme « Ah, il me manque de quoi, là? » Tu t'en vas jusqu'à l'autre bout. Mm. Finalement, tu avais tout ce qu'il fallait, mais il n'y a personne qui va te le dire. Non, c'est ça qui est tough là-dedans. Des fois, tu peux t'imaginer là, qu'il te manque une affaire, puis aller loin, loin, loin. Moi, les Castlevania, ça m'est arrivé souvent. Symphony of the Night, il est beaucoup, beaucoup comme ça. Fait que ça peut décourager du monde, mais celui-là, il est moins vaste, là, pareil. Oui. Les tableaux se font bien, il y a des téléports aussi. Ça permet d'aller plus vite. Puis, j'aurais aimé, par exemple, qu'il y ait un item qui me ramène au village. Tu sais, une genre de potion de téléportation. Il me semble que ça l'aurait fait, ça. Oui. Parce qu'il y a des fois. Ben, Krim, c'est capable de défoncer des bateaux avec ses cheveux. Hein. Il faut au moins nous donner ça. Ah, c'est clair. Mais non, overall, c'est un petit jeu super le fun. Il est pas cher. Ça va être à peu près 10$, je pense. Donc, ouais. C'est de la qualité, ça. Encore une fois, en attendant les bons jeux de 3DS, jouer à ça, moi, j'ai du fun au bout. C'est dans le staff pick, là. Encore une fois, j'ai dit ça là, puis je trompe jamais dans le staff pick. Ben non, c'est sûr, c'est le meilleur. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de travail qui a été mis dans ce jeu-là, puis ça paraît, c'est vraiment un jeu de qualité. Puis malheureusement, peut-être, j'en fais la critique, peut-être que vous ne pourrez pas jouer. Dan Vaillancourt va pouvoir jouer, il y a une 3DS, Max Tremblay aussi. Mais le restant du monde, je sais pas. Il faut que tu aies une DSi. Déjà là, en partant, si tu as une DSi, tu peux y jouer, mais sinon, tu peux pas. Ben, sinon, si les gens peuvent pas jouer à version DSi, puis c'est les collectionneurs, allez chercher Shantae sur Game Boy Color, parce que c'était vraiment un bon jeu. J'ai l'impression, j'ai pas vérifié avant de faire le show, mais j'ai l'impression qu'il doit être pas mal cher. Ben, moi, je l'ai eu, Shantae, mais... Ah ouais, tu l'as eu? Ouais, je l'ai plus. J'ai l'impression, vu qu'il s'est pas vendu ben, c'est sorti à la fin de la vie du Game Boy Color, puis c'est un excellent jeu. T'sais, c'est clair que c'est un hidden gem, là. Ouais. Je suis pas mal sûr. Il doit coûter pas mal cher. C'est juste que les gens qui ont une DS maintenant... tu peux mettre des cartridges de Game Boy Color dedans, tu sais. La version de la DS, pas la 3DS, on peut pas, mais la DSi, on peut pas, mais une DS, on peut une mettre DS, des cartridges de Game Boy. Moi, j'ai encore mon Game Boy Advance aussi, là, en passant, tu peux mettre... Tu peux tout mettre là-dedans. Les jeux de Game Boy 1, là, en noir et blanc. Ouais. En fait, moi, quand je veux jouer à un jeu de Game Boy, je joue sur mon Game Boy Advance. Ou avec mon Super Game Boy dans mon Super Nintendo, là. Mais sinon, je joue avec mon Game Boy Advance. Okay. C'est pas cher, un Game Boy Advance, là. Celui qui flappe, là, qui se met en deux. Il était écœurant, ça. Il est super. C'est une belle petite machine. Moi, dernièrement, je veux le Game Boy Micro. Juste parce que je le trouve. C'est hot, ça a été un autre flop de Nintendo. Personne ne parle. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est une belle petite machine. Game Boy Advance, là, ça vous en prend un là, pour jouer à plein de jeux. Puis les vieux jeux de Game Boy, là, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, Shantae, écoute, ça vous le prend. C'est très bon. Si c'est à votre portée, jouez à ça. Un jeu de Way Forward, super beau, super entraînant. Très, très, très sympathique, les personnages. Tu sais, là-dedans, il a joué à fond, là, l'univers, là, des mille et une nuits, la musique, les danses du ventre, tu sais. Puis, super cute, là, ton personnage. Ouais. Tu sais, vraiment attachante. Moi, j'ai adoré ce jeu-là, donc, c'est un must. 10$. Bon, ben, c'est déjà tout pour Rétro Nouveau. Ben, enfin, je dis c'est déjà tout. On a eu du stock en masse une fois de plus, mais là, on va retomber. On s'est emporté sur les films, là. Ah, écoute, c'est tellement intéressant. Mais bref, on va revenir à un horaire un petit peu plus normal parce que là, on va tous les deux recommencer avec un horaire précis travail. Mais c'est ça, bref, moi, pour le mot de la fin, j'ai pas grand chose à ajouter. Ben, moi, je voulais ramener, on a des problèmes présentement de download, là. Oui. Tout le monde nous en parle, puis vous faites bien, là. Ça vous prend 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ouais, ça a pris 4 heures. Ce qui est vraiment épouvantable. J'ai envoyé un courriel, là, chez à l'hébergement, puis on va voir qu'est-ce que ça donne, là. On a déjà eu bien des problèmes. Quand on a essayé de... En tout cas, on vous épargne les détails. On a déjà eu des problèmes, là, encore des problèmes. Donc, c'est vraiment pas cool. Mais lâchez pas, là, on vous tient au courant. J'ai peut-être reçu le courriel présentement du gars, là. Je sais pas, il y a un problème. Puis, au pire, la seule affaire qu'on pourrait vous donner comme suggestion, ça serait de télécharger le podcast la nuit. Ouais, c'est ça. Partez-là avant de vous coucher, puis vous allez l'avoir. Ou si vous l'écoutez au travail, quelque chose de même, vous faites sur Play, sur la page de Rétro Nouveau, puis vous allez pouvoir l'écouter direct là. C'est sûr que vous ne pourrez pas l'amener dans votre iPod ou rien. Non, c'est ça. C'est pas la version avec les images, mais c'est ça. Je voulais dire aussi en passant, quand on met l'épisode en ligne, Il y en a qui me demandent des fois, ils me disent hey, comment ça se fait que l'épisode est en ligne, mais que la page n'est pas faite sur Rétro Nouveau ou vice-versa. Tu sais. Ça, c'est. Regardez, c'est parce que Bruno, il met la page en ligne dimanche soir, puis moi, habituellement, je fais le post lundi matin. C'est ça. Donc, c'est vraiment juste pour ça. Là. Donc, quand je fais le post, que l'épisode soit déjà uploadé là, sur iTunes, finalement. C'est ça. Parce que moi, je peux pas le faire de la maison ici, parce que mon ordinateur est vraiment pourri, pourri. C'est super vieux. Puis tout quand... est rétro ici. Tout est rétro dans la maison. Raison, donc, c'est ça. Alors, j'attends de le faire lundi matin, habituellement, ouais. Mais peu importe. Là, ben vous ouais. Êtes tenu au courant. Non, mais c'est ça. Mais de toute façon, tu sais, regarde, ceux-là qui l'ont à l'avance, c'est les chanceux, c'est les curieux. Ben ouais. Profitez-en, puis prenez-le. On vous en tient pas rigueur du tout. Donc, ben merci. Merci beaucoup. Puis, yep. On essaie de régler nos problèmes de download. Mais et puis, on se revoit bientôt pour un autre épisode. Yes. Au nouveau. Great. Ciao. Bye. Retro Nouveau.